Et voici maintenant une compilation des meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou, diffusées tous les jours du lundi au jeudi, soit Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le Dîner de cons de 11h à 13h. Bonne écoute! Et là, on accueille celui que j'ai dit tantôt. Là. C'était un compliment, c'est là qu'on voulait tous tromper nos collègues pour avoir Sébastien Gardin ouais, comme collègue. OK. C'est comme notre amant professionnel. OK. Ça avait du sens. Ben, je vais t'avouer que quand tu l'as dit, ça n'avait pas autant que ça. Persécution. Persécution. Parce que mon cerveau pense plus vite que ma bouche. C'est ça, c'était ouais. Pas mal sexuel. Sébastien Gardin, voici le bulletin Gardin. Bonjour Sébastien Yves Gartin. Bonjour à vous. Ça va? Bonjour. Ben oui, vous autres? Ouais. Ça va bien, ouais. Je pense que tu t'as pris ça comme un compliment. Malgré les calouches. Ouais, c'est ça. Après l'explication, je l'ai pris comme un compliment. Bon, parce qu'on était à la base. Mes intentions sont toujours ben bonnes. Mais c'est avoue vrai. Qu'avant l'explication, c'était pas très clair. Non, c'était étrange. Je sais comme ouais, c'est ça, hein. C'est-tu un coming out en nom? Ouais, c'est ça. Scoop! Non, au contraire. Mais non, c'est ça. Mais j'aimerais réagir à quelque chose que tu as dit, Mathieu. Vas-y, d'abord. Hein. Tu as dit ton cerveau va plus vite que ta bouche. Ouais. Alors que généralement, j'ai l'impression que c'est souvent le contraire avec tes jokes. Oh! Mais c'est vrai, ça dépend des jours. Parce que oui, des fois, je dis des choses que je pense pas nécessairement juste parce que c'est drôle dans le moment. Puis on m'a toujours appris en humour, à l'école de l'humour Mathieu Plante, que quand une blague s'en vient, il faut que tu la sortes. Parce qu'il y en a une à un moment donné qui va être drôle. Puis c'est une bonne moyenne à abattre, au bat de 75. Moi, ouais, c'est ça. C'est pas un coming out non plus. C'est au moins 75% de bonnes jokes. À un moment donné, peut-être que tu réussis ce que tu fais. T'sais. C'est quand même pas si peu. Mais de toute façon, à la vitesse que tu parles, c'est pas nécessairement de traiter de niaiseux de te dire ça. Hein. Ah, merci. Okay. C'est aussi un compliment, tu vois, c'est de la façon que tu le dis, c'était pas... Mais ça, ben, tu vois, c'était un exemple. Ah! Wow, t'es comme... t'es là pour nous enseigner. C'est ça. Parlant d'exemple... Oui. Oh, wow, quel lien incroyable. Il y a pas de lien pendant tout, c'était vraiment juste pour... Je fais tout le temps... Vous avez pas remarqué, je fais tout le temps ça. Mais, ouais, non, je m'excuse à matin, j'ai un sujet un peu moins logique d'habitude. Ah, j'imagine. Parce que, ce matin, en théorie, j'aurais dû parler de l'article de mon éditorial qui a été publié hier, qui parle des grèves et des syndicats. Mm-hmm. Là, c'est notre dernière discussion qui m'avait allumé, comme ouais. Plus c'est la dernière discussion à la radio qui t'avait amené à écrire ça dans le journal. Okay. C'est vrai, parce qu'on s'est pas vu la semaine dernière. Ben, c'est ça. Il était pas là. Content de te revoir en passant. Ouais, je suis vivante. D'avoir été revenu en vie en un seul morceau. C'est ça. Oui. On a laissé ses jambes dans le bureau à côté, arrière sur la table. Non, c'est ça, j'ai plus de code du côté gauche, mais tout va bien. Bref, il était malade la semaine passée, Tania, ouais, et c'est pour ça qu'il ne s'était pas vu. De retour à la parenthèse. De retour à la parenthèse, en fait, on va parler la semaine prochaine, parce qu'il y a un sujet qui est quand même, à mon avis, à matin, parler de grève et de syndicats, je me serais senti un petit peu mal, considérant ce qui s'est passé. Vu que t'es collé qui est une fois par semaine, les gens s'attendent à ce que tu reviennes au moins un petit peu sur ce qui s'est passé. Ben, c'est ça, tu sais, ça aurait fait un peu bizarre de... Donc... je parlerai pas des attentats en tant que tels parce que, bon, regarde, c'est des attentats. Oui, on le sait. C'est pas le fun. Je pense que, tu sais, je veux dire, ouais, les analystes professionnels font le tour du sujet là-dessus. C'est ça, c'est ça. 24 heures sur 24. Ce sur quoi je vais plutôt revenir, c'est devrait-on avoir peur des réfugiés syriens? Ah, voilà. Là, en studio, vous pouvez constater que, contrairement à d'habitude, ceci n'est pas une chronique avec pas de casque, c'est-à-dire avec pas de notes. Ça. Je me suis amené des notes cette fois. On veut dire des vraies affaires. Ça veut dire que Seb est prêt. Oui, nous sommes prêts. On est prêts. On va peut-être laisser des petites affaires drôles une fois de temps en temps pour rendre le sujet plus léger. Hein. C'est ça. Donc, devrait-on avoir peur des réfugiés syriens? Parce que là, c'est ça, on est une des promesses de notre jeune gouvernement Trudeau. Jeune dans le sens que ça fait pas longtemps qu'il est élu, parce que, en tout cas, moi, je trouve tout le temps ça drôle de dire que Justin Trudeau est jeune, il a 40 ans. 4 ans, je pense. Ouais. Je pense que c'est après le 45, quoi. Quand t'es rendu dans la quarantaine, on peut plus t'appeler un jeune, peu importe à quel point t'as l'air. T'es un adulte. T'es cheveux dans le vent. C'est ça, t'es rendu un adulte depuis un petit bout. Moi, c'est ça. Je veux dire, il y a deux enfants, puis en tout cas, bref. Ceci étant dit, devrait-on avoir peur des réfugiés syriens? Parce que là, ce qui a été dit, entre autres, c'est que, bon, les. On est supposé au Canada d'en accueillir 25 000 d'ici le 31 décembre, si ma mémoire est bonne. Donc, puis là, il y a du monde qui, à cause des attentats, ils sont comme, mais là, qu'est-ce qu'on est, c'est dangereux. Parce qu'ils confondent musulmans avec islamistes, avec syriens. Parce que même si c'est séparé, ils mettent ça ensemble. C'est ça. C'est sûr qu'il y a tout le temps un peu un mélange de, ouais, mais d'ailleurs, ça, c'est du temps passant, ça s'appelle un sophisme par association. Il n'y a pas de pause entre les deux, c'est vraiment un sophisme. C'est ça, c'est juste, j'ai déjeuné trop vite à ma tête. Donc, y a des choses qui arrivent quand tu te lèves trop tard, puis que tu passes à la radio. Donc, c'est ça, il y a l'amalgame habituel de « Ouais, mais les réfugiés, c'est des musulmans, puis l'État, ça s'appelle l'État islamique, fait que c'est des musulmans, eux autres, avec, fait que c'est comme la même affaire. » Non, c'est pas la même affaire. C'est ça. D'ailleurs, si on fait un « kill count », c'est-à-dire comme tous les gens qui sont morts à cause de l'État islamique, l'écrasante majorité des victimes de l'État islamique, c'est d'autres musulmans. Exactement. C'est comme de dire que, bon, les nazis, c'était catho ou athées. Ben, dire que tous les cathos et les athées, c'était des nazis. Non. Mm. Non. C'est ça qui a aucun sens. Ça donne que le même livre. Là. C'est à peu près ça. Ah, ouais. Bon. Donc, ceci étant dit, il y en a quand même, d'ailleurs, avec l'enquête qui a été faite lors de l'attentat, il y avait un terroriste qui avait un passeport syrien sur lui. Mm-hmm. Un truc qui s'est fait exploser. Mais là, ce qu'il faut faire attention, le fait que là, les gens capotent, disent, ben là, ils sont passés avec les Syriens puis tout. C'est pas entièrement faux. Apparemment que ce terroriste-là, il aurait profité d'un peu de l'accès à cause justement de l'afflux de rapide, là, parce que là, c'était eux autres, c'est ceux qui directement partent de la Syrie en bateau, puis vont arriver en Grèce, puis tout. On sait déjà que la Grèce, ça allait déjà pas très bien avant, fait que là, on s'entend que les infrastructures pour spotter les. Tu sais, pour faire le filtrage un peu des réfugiés. Il devait être désuet. C'est ça, t'sais, tout est pas idéal, mettons, pour l'instant, dans ce coin-là. Fait que c'est sûr, bon, la porte d'entrée, c'est la Grèce, puis surtout que les réfugiés passent par là aussi, j'ai l'impression. Un, c'est plus proche, puis deux, c'est ça. C'est plus facile de passer. Donc, excusez, ma gorge a décidé de faire un bug. Je sais pas si ça a paru d'un micro. C'est pas grave, c'est rien. C'est rien. J'attendais un spot pour la placer. C'est sûr. Ouais. Donc, par contre, c'est ça, faut pas avoir peur outre mesure avec ça, parce que premièrement, ceux qui vont se faire payer un billet d'avion pour traverser l'Atlantique vont probablement être beaucoup plus contrôlés et surveillés. Première chose. Puis deuxièmement, non, il n'était pas nécessairement syrien, le monsieur, parce que son passeport était un faux. Oh. C'est ce qu'on a appris plus tard. C'est ce qu'on a appris selon... moi, j'ai CTV et La Presse comme source de ça. En fait, comment est-ce qu'ils se sont rendus compte que c'est... Évidemment que c'était un faux, c'est qu'ils ont ramassé le même passeport à plusieurs endroits en Serbie, puis en Syrie en tant que tel. Le passeport avec le même nom, avec le même... toute la même description. Ils disaient qu'il y avait juste la photo qui changeait, mais ça, c'est pas l'affaire la plus difficile à faire sur un passeport. Donc, déjà là, ça c'est rien qu'on va peu, avoir. Ouais. C'est ça, tu sais. Faut pas oublier aussi que le groupe armé était islamique. D'ailleurs, faut toujours dire groupe armé avant parce que la communauté internationale ne reconnaît pas l'État islamique comme un État. Donc, ils sont autoproclamés un État, mais c'est pas en vertu de... les encourager dans leur... C'est ça, tu sais. On veut pas les encourager. On va dire c'est un groupe armé qui se touche à penser qu'il est un État. Tu sais, on devrait l'appeler genre, entre guillemets, l'État islamique. Sarcastiquement, genre. État islamique. Genre. Le kind of genre État islamique. Bon, wannabe. Eux autres, en fait, ils mettent beaucoup d'énergie. Ça, c'est pas très, très connu, mais ils mettent énormément d'énergie à empêcher les Syriens, justement, de s'en aller. Quelles sont leurs motivations à faire ça? Là, je suis pas certain. Mais c'est sûr qu'eux autres, leur but, c'est... En fait, leur but, c'est quand même d'avoir un contrôle politique de la région quand même. Ouais. Donc, c'est sûr que si tous les habitants foutent le camp, ben, t'as plus de gens pour te servir de larbin après, tu sais. Ouais. Je pense, moi, d'après moi, c'est ça. Mais là, c'est vraiment ma spéculation. Donc, ils font énormément de propagande dans cette région-là. Ils font des tracts où ce qui montre justement des photos de gens qui se noient dans les bateaux puis qui disent... En fuyant vers l'Occident, vous vous noyez, puis vous noyez votre arme en même temps. C'est la grosse affaire. Puis en même temps, ben, les actes terroristes comme ceux auxquels on a eu affaire, ben, c'est un peu un but. T'sais, si on refuse des réfugiés à cause de ça, on donne exactement ce qu'ils veulent à l'État islamique, parce que c'est un peu leur but, en fait. Okay. C'est que les réfugiés nulle part où aller. Ouais, c'est ça. Donc, en conclusion de cette boîte-là, la question n'est pas finie. Mais... C'est rarement en conclusion. Donc, punir les Syriens à cause de ce que l'État islamique fait, les réfugiés syriens, dans le fond, les gens de bonne foi qui s'en vont, C'est un peu comme de dire « Ah, on prend pas de juifs allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'ils sont allemands puis les Allemands, c'est des nazis. » Ah, quel excellent exemple. Ben oui, c'est bon. J'aime pas ça sortir le point Godwin. Parce que c'est comme les nazis. Le genre d'abysse au nazisme. Ben, en fait, la gauche aussi le fait tout le temps. Tout le monde le fait tout le temps. Ouais. Je trouve ça vraiment comme... Facile, ouais. Être comme Hitler. Non, ça... Non... Non. Calmez-vous avec cet argument-là, ça marche pas. Mais là, c'est quand même vrai. Je veux dire, je pense que la comparaison, elle se tient quand même pas mal. C'est les victimes. Puis là, on a quelque chose. Oui, il y a quelque chose qui associe les victimes aux victimisateurs, aux... appelez-les comme vous voulez. Effectivement, pareil comme les Juifs qui ont fui l'Allemagne avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était quand même des Allemands. Ouais. C'est juste que c'était la partie des Allemands qui était. Le mot me vient pas. Victime de l'autre partie, on va dire ça demain. Ouais. Fait que là, les Syriens, c'est des musulmans. D'ailleurs, c'est des musulmans relativement libéraux. Je veux dire, ils n'auront pas tant de misère à s'intégrer. Mm-hmm. Au Québec, c'est plus les conditions climatiques qui vont leur poser problème qu'autre chose. Parce que apparemment que c'était assez... tu sais, c'est des gens qui avaient des jobs, c'était un pays relativement capitaliste, là, puis... Fait qu'il y avait des jobs, des maisons, si on voit sur les photos des réfugiés, il y avait des cellulaires, ils s'habillaient à peu près comme nous autres, sauf les manteaux d'hiver, bien évidemment. Fait qu'encore une raison de plus de comprendre ce qu'ils peuvent ressentir ou de se sentir, d'avoir un certain attachement à ces gens-là, parce qu'ils vivent comme nous autres encore plus. Mm-hmm. Les gens vont souvent utiliser l'argument de, on est triste pour les Français parce que ils parlent français, puis c'est la mère patrie, tout ça. Là. Mais quand les gens vivent semi comme nous autres, il me semble que c'est tout de suite un lien. Ben, c'est ça. Moi, je pense qu'au bout du compte, le fait de recevoir des réfugiés de Syrie, de ce que... Puis là, on s'entend... Là, j'ai pas été constaté de quoi ils ont l'air en Syrie. Mm-hmm. Je me suis à peine plus informé que ce qu'il y a dans la presse en fouillant un peu, à la limite, sur certains articles de trucs un petit peu plus underground sur Facebook que les gens partagent. Les Illuminati. Pardon. Non. Mais ouais. Anonymous. Ah! C'est ça. Mais, tu sais... Tout porte à croire qu'en fait, probablement, quand ils vont être rendus ici, même les plus colons d'entre nous, je dis les Québécois, là, actuellement, on s'inclut là-dedans, nous trois. Ouais, c'est ça. T'sais, même les plus colons d'entre nous vont faire « Ah! » Tu sais, parce que, c'est ça, ils sont pas si différents de nous autres. Ouais. À la limite, ils ont le teint un peu méditerranéen, puis tu sais, bon, OK, fine. À un moment donné, peut-être qu'ils sont un petit peu plus fervents religieux, mais à peine. Eux autres, quand ils vont à la place d'aller à l'église, ils vont à la mosquée, c'est pas mal. Ben, justement, je vais ouvrir une parenthèse pour une fois que c'est moi, ça. Ben oui. Notre bon ami Jebediah Bush. Jeb Bush. Ouais. Oui, connaissez un point d'exclamation. Jeb Bush a dit très intelligemment, là, évidemment, qu'on devrait seulement accueillir les Syriens s'ils peuvent prouver qu'ils sont chrétiens. Ben là. Fait que là, le journaliste de lui demander, ben comment tu fais pour prouver ça? Ben là, si t'es pas capable de prouver que t'es chrétien, ben tu rentres pas. Ça. Hey, tu sais, sérieux. Ça, là, les plus. Est-ce que t'avais dit quelque chose, Samy? Non, j'allais m'abstenir de tout commentaire. Ouais, c'est ça. Ouais, ben moi, je m'abstiendrai pas, en fait. Ouais, il y a deux choses. Je savais, c'est pour ça. Deux choses là-dedans. Les plus nationalistes d'entre nous, puis ceux qui sont un peu férus d'histoire vont se rappeler de. On a vu ça en histoire de secondaire 4, le serment du test. Le serment du test. Ça, c'était... Ça me dit quelque chose. Suite à la conquête dans le temps, ce qui était le Canada ou la Nouvelle-France par l'Angleterre, après la guerre qui opposait la France à l'Angleterre. Bon, on se rappelle, la France a perdu la guerre, puis la France a dû se départir de la Nouvelle-France qui est devenue, bon, le Canada et éventuellement le Canada qu'on connaît. Mm-hmm. Puis au début, quand les Anglais ont « take over », pour avoir le droit d'avoir un poste public, d'être un représentant ou d'avoir... En fait, je pense même les professions libérales, là, c'est-à-dire les médecins, les enseignants, les avocats, ces choses-là, fallait ce qu'ils appelaient faire le serment du test, c'est-à-dire prêter allégeance à la reine d'Angleterre. Mm-hmm. À Star, nous autres, c'est rendu bien symbolique, mais dans le temps, c'était quand même le monarque ennemi, tu sais. Ouais. Puis, entre autres, fallait qu'ils renient leur catholicisme, parce que dans le temps, c'était les Français étaient catholiques, puis les Anglais étaient anglicans protestants. Fait que là, fallait que tu renies ta foi catholique pour devenir anglican protestant. Puis bon, pour la plupart des gens, à cette heure, on est comme, ben là, OK, c'est des chrétiens pareils. Mais dans le temps, c'était vraiment une grosse différence. Mm-hmm. Le grand schisme, ça faisait pas si longtemps que ça qu'il avait eu lieu. Il y a une grosse différence entre les catholiques et les anglicans. Mais je pars de vraiment loin avec la connaissance des religions. Chrétien, anglobe, catholique et anglican, peut-être ça? Oui. OK, je savais pas ça. Chrétien, dans le fond, il y a les chrétiens, mettons, la branche souche de base, c'est le catholicisme, qui est celui qu'on connaît avec le pape. Ça, c'est en fait, là, c'est celui qui est peut-être le tranquillement pas vite. La chrétienté a évolué vers ce que le catholicisme est actuellement, avec le pape, avec tout ça. Le pape, c'est le descendant direct de Jésus jusqu'à un certain point. Qui disent. Dans le sens que le premier pape, c'était... Là, ça me ramène loin, par exemple. C'était Saint-Pierre. Je peux demander le tour au complet, là. Je veux c'est pas la série. Bon. Puis, en gros, c'est ça. Bref, à la fin du Moyen-Âge ou pendant la Renaissance, là, c'est séparé différents groupes. Il y a les orthodoxes qui sont beaucoup plus comme en Russie. Ouais. C'est aussi des chrétiens, mais ils ont des coutumes un peu différentes. Parce que des fois, on entend juif orthodoxe, mais il y a des orthodoxes qui sont pas juifs. Ouais, ben, c'est que orthodoxe, généralement, ça veut dire... ça voudrait dire un peu comme... Classique. Classique, ouais, c'est ça. T'sais, on le dit, tu sais, quelqu'un c'est qui comme Coca-Cola orthodoxe, tu sais. Mm-hmm. Donc, mais on l'appelle ça l'Église orthodoxe. C'est l'Église qui est plus d'un pays slave en Russie. C'est en Grèce aussi, les chrétiens grecs sont souvent orthodoxes. Okay. Bon, il y a les catholiques qu'on connaît, parce qu'au Québec, c'est ça qui est relativement... C'est ça qu'on connaît le plus. C'est ce que je me mélange souvent quand on parle de religion au Québec, c'est catholique ou chrétien, parce que j'avais l'impression que c'est chrétien, mais c'est catholique. Mais chrétien, c'est le groupe général. OK. C'est ça qui est mélangé, en fait. C'est ça. Puis il y a les protestants. Protestants, là, il y a différentes catégories. Une des grandes catégories de protestants, c'est les anglicans, qu'on pourrait dire même que c'est un groupe à part. Que ça, c'est anglicans, c'est les anglais. Okay. C'est British. C'est dedans, là, ouais. C'est tout. Pas mal, ouais. Puis c'est très rare en dehors de... on en a un peu en Amérique du Nord. Parce qu'on a été colonisés par eux autres. Hein. Mm-hmm. Mais c'est ça. C'est beaucoup plus rare. C'est ça. Comme je dis, il y en a un peu en Amérique, mais c'est vraiment là, très majoritairement en Angleterre. C'est quoi la différence? Je veux pas rentrer dans les super gros détails de religion. C'est un peu ce que tu fais, là, mais... Okay. Non, on tombe dans les gros détails. Je sais que, historiquement, l'Église anglicaine a s'est faite parce que Henri VIII, si ma mémoire est bonne, un roi anglais voulait pouvoir divorcer, puis bon, dans la religion catholique, c'est pas accepté. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc... en gros, c'est ça, en très très gros. Mais ça, là, on tombe dans les autres. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment une question que j'avais depuis extrêmement longtemps que j'aurais dû poser, t'sais. Mm-hmm. À quelqu'un, mais j'ai la personne à qui l'a posé. Et te v'là. Bon, ben tant mieux. Ça ne répond pas à toutes nos questions. Comme Dieu merci, te voilà, comme à TVA. Fait que là, ce qu'on constate, c'est qu'en dedans des chrétiens, il y a plusieurs groupes. Mm-hmm. Puis l'autre réponse à Jeb Bush, pour revenir à ce qu'on. Oui, parce que Jeb Bush a dit qu'on devrait seulement accueillir des Syriens s'ils peuvent prouver leur christianisme ou chrétienté. Chrétienté. Bon. Là, c'est qu'il y a un truc intéressant par rapport à ça. C'est que, bon, les États-Unis, ça a été peuplé par des colons qui étaient de différentes souches de protestants. Quand on parle, tu sais, les Quakers, ben, c'est un groupe protestant. Mettons, on pourrait dire que c'est des protestants orthodoxes radicaux, là. OK. Les Plymouth, toutes ces ethnies-là qui étaient je dis ethnies, là, mais en fait, parce que c'était presque des groupes ethniques, là, mais c'était des sectes, mais des groupes chrétiens qui étaient... il y a eu des Néerlandais, il y a eu des Anglais aussi, beaucoup, on s'entend. Il y a eu un paquet de choses comme ça. Puis les États-Unis ont été peuplés par ces gens-là. Mais il n'y avait pas vraiment de catholiques là-dedans. Puis, au début du 20e siècle, il y a eu une exode catholique, entre autres des Irlandais, qui ont essayé de se réfugier un peu partout dans le monde, surtout en Amérique. Comme nous autres au Québec... Puis au Canada, dans le reste du Canada, on a accueilli beaucoup d'Irlandais. Mm-hmm. Alors, il y a beaucoup d'Irlandais, de gens d'origine irlandaise, si tu remontes assez loin, mais qui se sont complètement assimilés aux Québécois francophones. Ils ont changé de nom, même. Mm-hmm. Les Murphy qui sont devenus Mir, comme Véronique Mir. Ah, je savais pas. Ouais. Ben, il y a même ici. D'après moi, là, je parle un peu, je spécule, là, mais le seul candidat au poste du rectorat présentement, M. McMahon, ça sonne c'est probablement d'origine. Il doit avoir un ancêtre irlandais quelque part. Ouais. C'est ça, c'est qu'ils sont beaucoup assimilés parce qu'entre autres, question de religion, ils étaient plus proches. En fait, dans ce cas-là, c'est la religion qui les a fait s'assimiler. Mais aux États-Unis, ça a été très, très réactif à ça parce que à cette époque-là, ils considéraient que le fonctionnement de la politique américaine, de la justice américaine, puis tout, c'était impossible de faire confiance à des catholiques par rapport à ça, parce que là, ils allaient mettre leurs petites affaires de catholiques là-dedans, puis là, parce que le protestantisme est beaucoup moins rigide en général par rapport à ces exigences de ces... Il y a moins de structure hiérarchique, il y a moins de ça. Comme les catholiques, en théorie, donnent leur allégeance avant tout au pape, avant de donner allégeance à leur pays, ce qui fatiguait les Américains puis tout. Puis bon, il y a eu tout le temps une espèce de méfiance des Américains par rapport aux catholiques. Exactement, puis c'était les mêmes arguments que présentement on sort contre les musulmans. Ils s'intégreront pas, ils ont leurs propres coutumes, ils ont leurs propres rituels, ils veulent pas. Finalement, ben, il y a eu un des présidents les plus populaires, populaire dans le sens people aux États-Unis, John F. Kennedy, qui était catholique. Les Kennedy, c'est une famille irlandaise d'origine. Ah! Puis il était catholique, puis là, dans le fond, les catholiques sont bien curieux. Fait que là, ils se sont trouvés un autre mauvais objet, c'est-à-dire, là, ça se passe, c'est pendant un bout de temps, ça a été les Asiatiques, là, c'est rendu oui, musulman. Oui, faut tout le temps persécuter quelqu'un. Mais tout oui, tout le temps, c'est l'histoire de la vie. Faut toujours se trouver meilleur que d'autres. C'est ça. Eh oui, l'être humain. Eh ben. Donc, ça nous amène à... C'est intéressant que tu parles de Jeb Bush. Puis, premièrement, je trouvais ça drôle de dire, moi, c'est dans mes lectures, ma maîtrise que j'ai eu ces faits-là. Mais, entre autres, l'affaire par rapport aux catholiques. Mais plus que ça, on a notre propre local Jeb Bush, si je peux me permettre. Je sais pas si on fait bien de le comparer, mais... C'est insultant, pas mal. Devinez de qui je parle. Une version locale de Jeb Bush, OK. OK, je vais donner un indice en partant. C'est le maire d'une ville du Québec. OK. Il a mis... Bon, ça je trouve ça déjà plus crédible, mais ça, je vais revenir là-dessus un petit peu après. Mais il a dit que lui, il acceptait pas dans sa ville... autre chose que des orphelins ou des familles, mais il veut pas d'hommes célibataires dans les réfugiés. Lui veut des orphelins, des familles avec beaucoup d'enfants. C'est le gars de Saguenay, hein? C'est moi qui s'appelle déjà, je me rappelle. Premier strike, c'est pas lui. Ah non! La bombe! La bombe. Et voilà. Hey, je m'en ai tellement dit, je suis sûr que c'est le gars de Québec. La bombe. On connecte. Régis, lui, ce qu'il a dit, c'est que, bon, je pense qu'à Québec, de mémoire, c'était 1100 réfugiés qui sont supposés d'accueillir. Je pense que c'est la ville au Québec qui reçoit le plus, le même plus que Montréal, d'après moi. Puis, bon, c'est ça. Lui, il a dit qu'il en voulait pas plus que 800. Là, ça, c'est discutable parce que, bon, il dit, lui, c'est que avec ce qu'ils ont constaté de l'état des infrastructures à Québec puis tout, c'est le plus qu'ils sont... 800, c'est le plus qu'ils sont capables d'accueillir comme du monde. Bon, ça, on va revenir là-dessus. Mais c'est surtout ce qui est choquant, c'est qu'il dit, lui, il veut pas de jeunes hommes fâchés célibataires qui peuvent foutre la... la bisbille. Du trouble. Bon, ils foutent la bisbille. C'est du profilage racial, pas mal. Merci, Tania. Ça fait plaisir. C'est ça. Bon, c'était un peu du profilage, c'est ça. C'est pas du profilage racial. Non, mais tu comprends, il y avait... Sexisme. Ouais. C'est normal. Tu sais, jusqu'à un certain point, c'est normal qu'il y ait des jeunes hommes dans la vingtaine qui sont fâchés parce que leur famille vient de se faire assassiner. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, puis ils ont autant besoin de se faire accueillir que d'autres, sinon plus. Ça veut pas dire qu'ils vont plus faire de troubles. Au contraire, donne-leur de la job, puis ils vont peut-être être contents, puis ils vont peut-être être plus motivés à se refaire une vie ici. Ils vont être reconnaissants et ils vont vouloir redonner au pays d'accueil. C'est ça, tu sais. Puis comme disait, je sais pas ceux qui connaissent la narco-panda, c'était une figure de 2012 là, de la grève. C'est un prof de cégep que lui, il allait dans les manifestations 2012 déguisé. Il avait une espèce de costume. Ben, il y a encore d'ailleurs un costume, une grosse mascotte de panda. Puis il se promenait dans les manifestations, puis donnait des câlins. Puis bon, lui, il commente beaucoup sur Facebook aussi. D'ailleurs, c'est sûr que, bon, il s'appelle, sa page Facebook s'appelle l'Anarcho-Panda pour la gratuité scolaire. Ouais. On s'entend que c'est très, très, très, très, très, très, très de gauche, là. Oui, c'est précis, pas mal de gauche. Mais il est quand même, ne serait-ce que parce qu'il y a des commentaires priceless, des fois. Puis comme il dit, « Hey, Régis, c'est pas une wishlist du Père de Noël, c'est de l'aide humanitaire. » Mais il n'y a pas tout à fait tort, hein? C'est ça, pareil. C'est comme... Tu sais... C'est ça, tu peux pas demander qui tu veux avoir. Exactement. Tu sais, quand tu donnes au Noël du pauvre, tu peux pas dire « Moi, je veux que mon 10$ s'en aille à telle famille au Saguenay. » Seulement des Blancs au Saguenay. C'est ça, ça marche pas de même, l'aide humanitaire. C'est t'aide à ceux qui en ont besoin, pas à ceux que t'as le goût de donner. D'accord. Tu sais, à maner, là, tu sais, aide pas. Charrie pas, là, c'est ça. C'est ça. Mais un point que j'ai trouvé intéressant, que la bombe a soulevé quand même, c'est « Sommes-nous prêts? » Parce que 25 000, on sait pas, tu sais, je veux dire, c'est le chiffre qui a été dit par Justin Trudeau, il a fait une promesse de ça, mais sur quoi que c'est basé? Puis là, c'est ça qui était un peu, c'est que là, c'est parce que personne pensait que ça allait arriver aussi rapidement, mettons. C'est rapide, ouais. Ben, c'est sûr que c'est rapide. En même temps, c'est vrai qu'il faut agir rapidement. Oui, oui, oui, parce que c'est vrai qu'on va mourir. Ça fait quoi, là? Ça fait 2 semaines qu'il est au pouvoir, là. Ouais. Il a reçu un téléphone, puis « Ah ouais, go, vas-y, fais-la ta promesse. » Ouais, ben, en fait, il a fait sa promesse pendant la campagne, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. C'est quand il y a eu la photo du petit garçon, là, qui était couché sur la plage, oui. On s'en rappelle. Ouais. Mais c'est ça. Puis ça a été, le même problème a été soulevé par le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, qui dit, lui, les chiffres qui circulaient, c'était entre 200 et 300 réfugiés à Trois-Rivières. Oui. Puis il disait, tu sais, normalement, à Trois-Rivières, on reçoit 100 de réfugiés par année. Puis ça, personne n'en parle jamais. Personne n'en parle jamais, mais c'est qu'il dit plus que ça, c'est qu'il dit c'est autour d'une centaine. C'est plus ou moins une dizaine de personnes, mettons, là. Plus ou moins une couple de familles. Mettons, quand on dit une famille, c'est peut-être 4-5 personnes. Mais il dit, la différence aussi, c'est que normalement, c'est premièrement, on en reçoit 100, c'est déjà moins. Oui, OK, c'est une situation d'urgence, mais il dit, c'est parce que en plus de ça, en plus de doubler puis même tripler le chiffre qu'on reçoit normalement, c'est que normalement, c'est 100 sur toute l'année. Ouais, c'est pas 100 one-shot en ben, deux c'est mois. Ça. C'est ça qui arrive tout là. C'est ça. Tu sais, il arrive pas, comme tu le dis, échelonné sur plusieurs mois. Là, c'est les boom, on débarque au centre-ville, là. Ouais. Tout de bon, suite. C'est ça. Ben là, nos centres d'achat vont être pleins de citoyens. Non, mais là. Colin! Faut qu'il arrive à un moment donné. C'est ça, faut qu'il arrive. C'est sûr que, bon, tu sais, oui, effectivement, dans un monde parfait, on aurait 2 ans pour se préparer. Mais on peut pas se préparer. Fait qu'il y aura pas de banderole bienvenue. Mais on pourrait, en fait, je dis, on peut pas se préparer. On pourrait essayer de se préparer. Puis là, c'est un peu ça le problème que je voulais soulever, c'est que on a des voisins au plafond. Oui, on a des voisins si on l'entend dans la radio, oui, mais en tout cas, ça joue dans le ben, top. Ça, on l'entend clairement pas en onde, mais si on allume les micros très, très fort, là, OK, que bon. Vous qu'on en parle. Que j'aurais pas dû faire le commentaire. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'on a ça m'a fait perdre ma concentration. C'était assez de me faire perdre ma concentration. Mais ils savent pas que ce monde qui travaille, ça. Ah, ben, moi aussi. On est tellement persécutés. Il était arrivé avant moi ce matin. Fait que d'après moi, ça fait très longtemps qu'ils sont ici. Ils ont l'avantage, ils étaient ici avant nous. Ouais. C'est nous autres qui les dérangeons en parlant fort. Peut-être qu'ils nous entendent. Ben, non, je pense pas. Ils ont un droit d'aînés. Mais Dainis, c'est pas une sorte de... Non, Dainis, okay, comme aîné qui finit en S. OK, ça sonne comme aînis. Ouais, non, c'est pas... Ou autre chose, Matt. Tu parlais de Guinness, plutôt. Ouais, je parlais de... Ben, j'essaie de faire un jeu de mots de Guinness parce que je voulais pas faire deux jeux de mots avec Anus, mais... C'est ça, je pense. Des fois, c'est... Mais, c'est sûr pour une rare fois, c'est Tania qui nous a fait décrocher. C'est rare que ça arrive. Hey, je suis désolé, hein. Un point contre toi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, il a été... pour revenir à ce que je disais avant de décrocher... Mm-hmm. C'est ça, c'est que là, la chicane un peu qu'on a, tant qu'à moi, le problème, c'est pas, je pense qu'il faut qu'on les accueille, on n'a pas le choix à un moment donné, puis même 25 000. Ouais, par solidarité humaine et par... Les gens sont comme, 25 000, oui, mais vous avez-tu vu la grandeur du Canada? Ouais, on a ça. De la place pour les parquer, c'est pas ça le problème. Les parquer, c'est pas les objets. Voyons donc. OK, ça, c'était pas gentil, je m'excuse. Non, mais, tu sais, il n'y a pas tout à fait tort, là. Non, mais on veut faire quoi? Tu sais, t'en as 200 qui arrivent ici à Trois-Rivières, ouais, mais il y a déjà quasiment le 3/4 de la population qui est pas capable de se trouver une job. Ouais, ben ça, peut-être, là. Oui, en effet. C'est vrai. Mais le niveau de non... Il y a beaucoup d'appartements vides à Trois-Rivières. Oui, ça, je suis d'accord. Ouais. C'est correct pour ça. Tu sais, ça va aider à remplir nos appartements. Es-tu en train de sortir l'argument qu'ils vont voler nos jobs? Non, zéro. Ils vont prendre des jobs qu'il y a personne qui veut prendre. Au contraire, je suis juste comme, ils vont faire comment? Ouais. Ben, tu sais, c'est beau les accueillir. Seb, il dit, on les parcours. Hier, j'ai posé la question. OK, mais il est lâche-lousse dans la ville, tu sais. On fait quoi pour les encadrer? Ouais. Ces 200 personnes-là qui arrivent. C'est vrai. Ben, d'un coup sec, là. Il y a deux choses, en fait, dans ce que tu as dit. Pour ce qui est des jobs, Trois-Rivières, on est un endroit intéressant. C'est parce que une affaire, c'est que oui, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de population non active à Trois-Rivières, on va dire ça comme ça. Premièrement, parce que, bon, on est un peu une ville étudiante. On est une ville qui se dégarnit tranquillement pas vite aussi. Il y a un exode de Trois-Rivières. Puis, une grosse partie de la population sont très âgées. Oui, exactement. Population très vieillissante. De âgée à très âgée, même. Donc, c'est sûr que Trois-Rivières, on n'est pas la ville la plus dynamique au Québec présentement. Ceci étant dit, si on prend vraiment juste le point de vue économique, on va rester là-dessus de suite. Ça, puis d'ailleurs, j'aurais dû amener plus de sources parce que justement, je travaille un peu là-dessus. Il a été démontré que les réfugiés, contrairement aux les immigrés économiques, c'est souvent un peu compliqué leur trouver des jobs, mais c'est que les réfugiés, souvent, c'est des gens, comme d'ailleurs c'est exactement le cas des Syriens, qui ont une job, une expertise, oui, qui ont des études, qui, du jour au lendemain, à cause d'une guerre ou d'un désastre, sont obligés de foutre le camp. Fait que c'est des gens qui sont dans la force de l'âge, qui sont en état de travailler, qui sont en état d'être, y compris des citoyens. Entrepreneurs. Oui. En plus. Tu sais, comme l'exemple justement, le petit gars, que son nom m'échappe, là, mais qui avait été, tu sais, la fameuse photo, le petit gars sur la plage, son père, c'était un entrepreneur, il avait une business. Tu sais. Fait que c'est des gens que, si on prend, comme je dis, juste le point de vue économique, pour Trois-Rivières, en fait, ça serait même une bonne chose. Affaire. Ça, il y a eu des études, puis là, je me base pas sur rien, là, puis là, j'aurais dû amener des sources, mais les études, il y a beaucoup d'études en sociaux qui disent que toutes les places qui reçoivent des réfugiés, c'est bon pour l'économie. Parce qu'ils dynamisent, ils amènent, même des fois, ils amènent, tu sais, avec eux autres, ils amènent un bagage, veux pas, ils ont un bagage culturel un peu différent, ils amènent des nouvelles affaires. Tu sais, un exemple bien niaiseux, mais tu sais, le chicha qui est arrivé, qui était à mode une couple d'années, ben tu sais. On n'a pas à Trois-Rivières. Hein? Ben, on en avait un. Mais tu sais, à Trois-Rivières, il y a bien des affaires qui existent pendant 2 mois et qui ferment après. Mais peut-être que justement, c'est des gens que les autres, c'est leur nouveau domicile d'accueil puis qui vont peut-être justement, les autres veulent revenir. C'est des gens qui avaient des enquêtes, qui étaient entrepreneurs, qui avaient des jobs. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas d'argent. Peut-être qu'il y a des gens riches là-dedans. Ça pourrait arriver. Ça coûtait cher se pousser de la série en partant. Ouais. Oui, c'est. Pas nécessairement des riches dans le sens que c'est pas du monde là, t'sais, hyper riche, c'est de la classe moyenne correcte. Fait que, t'sais, bon, là, c'est sûr qu'ils ont dû perdre énormément en partant, mais t'sais, je veux dire, ils vont se refaire, puis fait que là-dessus, je suis pas trop inquiet. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est des gens que, en Syrie, je sais pas à quel point ça parle français. Ben, c'est ça, hein. Mais c'est ça, puis là, c'est là que ça va peut-être faire mal, c'est les infrastructures pour les intégrer, parce qu'il y a ça, il y a la francisation que ça va demander des ressources. Soudainement, ça va faire un afflux d'enfants dans les écoles. D'enfants qui, là encore, ne parlent pas français. Donc, ça va demander des ressources de ce bord-là. Des places dans les garderies, des trucs comme ça, c'est difficile. Des places dans les garderies, c'est ça. Fait que, pis là, c'est ça que je trouve dangereux. Puis il y a la francisation, mais il y a aussi, ne serait-ce que les aider à s'adapter, tu sais, rapidement, ils vont arriver. On s'entend, là, ils vont arriver au mois de décembre. Là, on va être en plein hiver. Faut les accueillir chez The Ross, les cadeaux de Noël. Mais avec des manteaux d'hiver, au moins. Ben, avant les cadeaux de Noël. C'est ça, tu sais, je veux dire, la Syrie, c'est un pays quand même avec un climat très assez chaud. C'est partiellement dans le désert. Ils n'ont pas un hiver. En plus, déjà, si on les recevait l'été, il y aurait déjà un peu une adaptation à nos conditions climatiques. Mais là, c'est en plein hiver. Ouais, c'est ça, ils vont arriver, il va faire moins 40 déjà. Achetez-leur des trucs, des mitaines, s'il vous plaît. Puis c'est ça, tu sais, il faut les aider. Il faut qu'il y ait des gens qui les intègrent. Puis c'est ça, la job d'intégration, tu sais, c'est d'aller avec eux autres, aller se magasiner des manteaux, les aider. Puis peut-être, oui, leur fronter de l'argent pour qu'ils puissent faire ces achats-là. Puis. Leur montrer que, bon, ici, nous autres, pour aller acheter votre bouffe, il y a les supermarchés, tu sais, parce que je sais pas, là-dessus, je connais pas la Syrie, mais tu sais, souvent, dans un pays comme ça, souvent, les supermarchés n'ont pas vraiment ça, là, c'est plus des marchés publics. Mais là, s'ils cherchent le marché public à Trois-Rivières, ils vont chercher longtemps, tu sais. Il y en avait un dans le temps, il était à côté du Delta, mais il y en a encore un, mais tu sais, c'est l'été, deux jours par semaine. C'est ça, exactement. Ils vont le chercher longtemps. Il va falloir leur montrer les petites supérettes à côté de l'université. Il y en a deux, une en face de l'autre, supérette internationale avec plein de produits partout dans le monde. Ouais, ben oui, c'est une chose, ça va les aider parce que là encore, s'ils vont au IGA ou au Sobeys, tu sais, ils vont arriver là puis ils vont se dire, ok, ben la moitié des affaires que là, je connais pas ça. Ouais. Là encore, tu sais, c'est ça, c'est des aider. C'est ça que j'ai peur. L'intégration. Plus que vraiment le. Ça difficile pour eux plus que pour nous autres. C'est ça. Puis là, on voit que ça se renvoie la balle parce que là, le municipal, ils disent ouais, on n'a pas full les ressources. Fait que là, OK, monte en haut, qu'est-ce qui se passe? Au provincial, qu'est-ce qui arrive présentement? Ben là. Austérité. Les libéraux sont comme ben oui, on va en accueillir, mais. Fait que là, bon, là, il y a eu. PKP qui m'a surpris d'ailleurs parce que je suis pas un gros fan de la personne. Évidemment. Mais qui a dit faudrait peut-être qu'on ait un débat d'urgence pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec les avec les réfugiés parce que là on a comme pas de plan vraiment puis faut aider nos municipalités à ça. Puis bon. D'ailleurs, il a été décrié un peu. Il y a du monde qui ont pris ça de l'autre côté de dire bon, c'est bien le PQ veulent encore faire de la politique sur le dos des réfugiés, mais je suis comme ouais, mais il y a quand même raison ce coup-là. C'est ça. Non, là, il y a des questions valables. Puis là encore, du fédéral, on sait pas trop qu'est-ce que le fédéral va fournir par rapport à ça. Fait que c'est ça le problème présentement, c'est que là, on est tous dans le... déni. C'est qui va comme... Tu sais, avec les ressources qu'on a là, on va peut-être pas pas se rendre. T'sais. Là, ils disent, OK, le communautaire se prépare à ça. Mais tu sais, le communautaire vit déjà pas avec, en temps normal, a déjà vivote, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que, qu'est-ce que le communautaire va faire avec l'afflux, là? Fait que ça va falloir qu'on fasse du bénévolat, je pense. Ouais, c'est ça. Les stages pour les étudiants vont changer en français. Ça va être d'aller, genre, enseigner le français dans les familles syriennes. Mais même, je pense, puis là encore, faudrait vérifier, mais je pense qu'il existe des groupes communautaires qui... demande à des gens qui veulent être un peu la personne ressource pour aider à l'intégration des réfugiés. Il y a tout le temps ça en temps normal, en fait. C'est juste que je sais pas exactement c'est où qu'on s'inscrit pour ça. Mais on peut être un espèce de chaperon pour une famille de réfugiés. Les aider, tu sais, généralement, c'est les rencontrer de quoi comme une fois par semaine, une fois ou deux semaines. Puis là, ben, ils discutent des autres, les questions qu'ils ont, les problèmes qu'ils vivent. Puis là, ils peuvent... on peut les aider. Ah, mais oui, mais tu sais, c'est ça. C'est comme par exemple, tu sais. Ils sont comme, ah, mais là, on est allé au magasin, là, puis il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quasiment juste des bonbons, puis tout. Ça, c'est un dépanneur. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas là que tu vas faire si tu veux faire ton épicerie, tu vas comme là, ben, tu sais, il y a le Sobeys pas loin. Sobeys, ça s'appelle. Provigo, mais Provigo, bon. Provigo, ouais, c'est ça. Ouais, mais... La compagnie, c'est Sobeys. C'est ça, exact. Mais ouais. Mais bon, tu vas au Provigo, c'est là qu'il est tout. Puis bon, OK. Puis là, ils disent, ouais, mais là, on trouve pas les trucs que nous autres, on connaît. Bon, mais il y a le petit magasin proche de l'université. Mais sinon, tu sais, je pourrais aller faire une épicerie avec vous autres quand ça vous adonne. De parrainer ou de marrainer un peu une famille qui s'en va. Chaperon, c'est un beau mot, je trouvais. Ouais. Chaperon. Ouais. En même temps, ça fait un peu paternaliste. Ça fait je vous surveille. C'est vrai. Ouais, c'est ça fait je vous surveille. Ouais, t'as raison. Mais c'est... C'est peut-être pas faux, là. Hein? Ouais. Ouais. Mais oui, mais tu sais, je veux dire, ça reste que la crainte qu'il y ait des gens de l'État islamique qui s'infiltrent là-dedans. Même là, est-ce que ça va mais être vraiment la très grande majorité? Puis ceux qui vont demander de l'aide, ça va pas nécessairement être les plus radicaux. Ouais, non, c'est ça, on s'entend. Mais si les gens vont se proposer comme famille d'accueil juste pour vérifier qu'ils soient pas en train de faire une bombe, ça. Mais je suis certaine qu'il y en a qui vont le faire. Ça serait ridicule, ça serait ridicule. Excuse-moi, si ridicule. Mais des extrémistes, il y en a partout, hein? Ben oui. Fait que c'est comme, c'est sûr que même ici, il y en aurait sur certains points, tu sais. C'est ça. Dire. Puis il y a, ben oui, puis des extrémistes athées, il y en a. Mm-hmm. On s'entend. Tu sais, je veux dire, ben à base, je les ramène encore, même si j'aime pas ça, mais les nazis, c'était un peu ça. Oui. C'était des radicaux athées. Ouais. Tu sais, ils sont mis de chemin un peu pendant une certaine période avec l'Église catholique, là. Mettons, oui, le pape devait... à l'époque était pas tellement. Anti-nazi, mettons. Pas surtout qu'il était en Italie. Fait que... C'est ça. Mais le, à base, les nazis, c'était une idéologie athée. Mm-hmm. Très athée, d'ailleurs. Très. Fait que, mais t'aurais fûté, toi. T'aurais pu rentrer dans leur... Pardon? Ben, Sébastien, il aurait pu rentrer. C'était des blonds aux yeux bleus qui voulaient. Ah, OK, OK. Ouais, okay. D'ailleurs, ouais. C'était pas clair comme façon de dire l'affaire. Ouais, on fait des jokes, en fait, parce que moi... On fait des jokes dans notre sœur sociale, moi et ma blonde, parce que les deux, on est blonds aux yeux bleus, tu sais. Bon. Puis le pire, c'est que mon nom de famille, ça vient d'Alsace, puis la racine de mon nom de famille, c'est Gertin, puis ça vient de Guéron, puis apparemment que Guéron, c'était l'ancien mot pour dire, un peu comme quelqu'un qui, de nos jours, s'appellerait l'allemand, mettons, mais dans le temps, c'était le germanique, le germain. Fait que, plus qu'on peut t'appeler Germain Saint-Germain, comme le pire personnage de Radio Enfer. C'est personnel. Oh, c'était l'espèce d'édulcorant de oui, Léo. Exactement. Oui, exactement. Ouais, non, c'est Léo Light. Mais ouais, c'est ça. Mais non, je ne cautionne pas l'idéologie nazie, j'aime même pas Heidegger. Joke de philosophe, là, il y a comme deux personnes qui l'ont compris. Là. En gros, Heidegger, c'est un philosophe allemand, vraiment important au début du 20e siècle, qui a eu sa carte du parti nazi avant que ça commence à être un génocide. Puis que quand il s'est rendu compte que ça s'enlignait vers de l'ultranationalisme génocidaire, puis tout, il a fait « Ouf, je déchire ma carte ». Mais il a été quand même... L'histoire a retenu qu'il a eu sa carte du parti nazi. Ouais, c'est ça. Mais lui, après ça, ben, pis c'est qu'il a été recteur d'une université sous le règne d'Hitler. Fait qu'il y a du monde qui sont comme « Ouais, tu sais... Ouais. » Il y a une petite objection de conscience, mais il a été collabo un peu. C'est comme quelqu'un qui a participé à la voix... Ils ont beau dire, ah oh non, moi je veux plus être là-dedans, je veux plus être avec Julie Snyder, puis il fait une carrière à part. Ben, excuse-moi, t'es tagué la voix. C'est comme pareil. Moi, c'est comme mes nazis, la voix. Tu comprends? Mais quelle! C'est une blague, c'est une chose. Quelle comparaison, ma foi. Je t'aimerais ça, je t'aimerais ça. Wilfred Le Boutillier puis Heidegger, même combat. Même combat. Hashtag même combat. Bon, lui, c'était Star Academy. Là, ouais, mais c'est la même affaire. Ouais, c'est la même chose. Ils ont changé de nom. Bref. On change un peu le format aussi. Là, bon, bon, on commence pas à t'en farger des fleurs du tapis. Non, je m'en farge pas des fleurs du tapis. J'ai écouté aucun des deux. Toi, t'es défend d'abord. Non, je défends la bon, rigueur. Je vais trop loin. Hein, prends ton sirop. Oh, un autre jeu de moi qui c'est Siri, presque. Oh, presque. C'est le presque eu. Je te trouve presque bonne. C'était pas voulu, c'est pour ça. Sébastien Guertin, ça sonne comme la fin d'une chronique. Ouais. Ça sonne comme la fin d'une chronique, effectivement. Ouais. On te remercie. Ben, c'est moi qui vous remercie. On te retrouve la semaine prochaine, toujours les mercredis à 8h. Oh que oui. Pour une autre chronique du bulletin. Bulletin Guertin, le bulletin. Le vulcain. Comme les vulcains. Ouais, c'est ça. Aussi. Comme les Syriens, ouais. C'est les vulcains. Peace. Pareil. Ils voulaient s'intégrer. Hein. Si je te mets la main dans le cou, est-ce que tu vas t'évanouir, Mathieu? Ça dépend de la raison, en fait. Sûrement que peut-être je vais m'évanouir parce que je vais être trop dans ta caméra, parce que je pourrais amener ça pour que ça n'ait pas l'air d'un coming out. Attends, non! J'ai fait deux, trois coming out sans le vouloir. Dans l'instant de 1 heure, genre. je n'ai pas à come outer de rien. Ouais, je sais. Ouais. Mathieu avait une pebble avant. La montre intelligente. C'est ça. Qui avait un Gaydar dessus. Le vrai coming out est fait. C'est ça. Bon. Merci. Voilà. Bref. Merci, Sébastien. Merci à vous. Je t'aime bien, mais pas dans ce sens-là. Non, mon. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. On a besoin d'un peu de conneries, un peu de conneries dans le dîner de con, ça irait de soi. Donc ici, son bébé a mal aux dents. Elle lui prépare un biberon au bourbon. Ben, elle l'a-tu, la bonne idée, elle, hein? Donc, le pire a failli se produire la semaine dernière à Little Rock, dans l'Arkansas, aux États-Unis. Laurie Shepherd se trouvait alors chez elle avec son bébé de 10 mois, mais elle n'en pouvait plus de l'entendre pleurer. Il y a toujours la possibilité de l'étrangler ou d'y mettre un sac de plastique sur la tête, mais bon, ça, elle n'y a pas pensé. La poussée de ses dents faisait souffrir le petit garçon et les médicaments que sa mère lui avait déjà administrés n'avaient l'air de pas lui faire aucun effet. Alors, croyant sérieusement reproduire un truc de grand-mère que sa mère lui avait même donné elle-même, eh bien, Laurie a entrepris de verser du bourbon directement dans le biberon de son fils et de lui administrer. L'astuce, bien mal comprise, consistait en réalité à passer de l'alcool sur les gencives du bébé pour le soulager. Eh bien oui, la jeune maman a ensuite installé son enfant dans son parc, mais elle a très vite réalisé qu'il ne bougeait plus et s'est empressée de le conduire aux urgences. La chaîne Fox 29 rapporte que les médecins ont déterminé que le jeune garçon présentait un taux d'alcoolémie, oui, de 0,19 par gramme de litre de sang. Ici, là, c'est 0,08. Lui, il avait 0,19. Vous comprenez, c'était une bonne quantité quand même. Complètement perdu, Laurie a d'abord accusé son beau-frère en disant que celui-ci était resté seul un moment avec le bébé, mais elle a vite avoué sa faute lorsque le mari a confirmé aux enquêteurs que le couple possédait bien une bouteille de bourbon au frigo. La mère de famille a été inculpée et mise en danger de la vie d'un enfant, incarcérée et sa caution fixée à 10 000 $. Ses trois enfants ont, eux, été confiés aux services sociaux. Si elle avait pris peut-être juste une petite gorgée de bourbon dans le lit. Mais là, on dirait qu'elle l'a versé directement. Ben oui, elle a entrepris de verser directement du bourbon dans le biberon du fils. C'est peut-être pas la meilleure idée. C'est peut-être pas la meilleure idée. En tout cas, comme c'est drôle. Ici, attends un peu. Ça, c'est de la nouvelle. Une dame se déguisait en homme pour coucher avec sa copine. Ce que je comprends pas, c'est la copine, comment ça marche, là? Moi, je veux plus d'informations. Puis, en plus, on nous dit que son plan machiavélique. Mais là, machiavélique, je pense qu'elle l'aimait. Elle tripait dessus. Machiavel, En tout cas, on va aller voir plus d'infos là, avant que je me mette la pied dans la bouche. La tromperie a débuté en 2011. Gail Newland, 25 ans, a fait la connaissance de sa victime sur Facebook. Après les discussions par écrit, elles deviennent longues. Et ces longues conversations deviennent des conversations téléphoniques au cours desquelles la jeune femme utilise le pseudonyme masculin Kai Fortune et prend la voix d'un homme. Deux ans plus tard, Gail Newman rencontre physiquement son amie et les deux femmes commencent à avoir des relations sexuelles. Pour ne pas se faire découvrir, la Britannique utilise une prothèse pénienne et revêt un masque prétextant une récente opération au visage qui la complexe. La supercherie fonctionne une dizaine de fois jusqu'à ce que la victime, Gail, ne lui arrache son masque lors de leurs ébats. Elle découvre alors la vérité et dépose plainte. Lors du procès qui s'est tenu jeudi, l'accusée a certifié que son amante savait qu'elle était une femme, avançant qu'elle n'a jamais caché ses seins. Ces arguments qui n'ont pas convaincu le juge, ce dernier a insisté sur son côté obsessionnel et manipulateur. Vous avez eu ce comportement sur une longue période pendant laquelle vous avez joué avec les sentiments de votre victime pour votre seule satisfaction personnelle, a-t-il avancé. Gail Newman a alors été condamné à 8 ans de prison pour agression sexuelle. Mais sérieux, j'ai de la misère à comprendre ce genre de nouvelles. Parce que l'autre, elle se rendait bien compte, là, il y avait un masque, il y avait un faux pénis, l'homme avec qui elle était avait des seins. Sérieux, on voit la fille là, sur la photo, elle n'a pas l'air d'un homme, mais pas pantoute, là. Moi, je pense que ça se joue à deux. Je pense pas que la fille qui a comme abusé de la confiance de la conne de l'autre, là, ben je pense pas que elle l'aimait. Hein? Elle était en amour avec. Puis c'était pour coucher avec. Elle se mettait comme ça. Mettre 8 ans en prison quelqu'un pour ça, sérieux, je peux pas comprendre. Check, il vient de tomber la. Je le sais que c'est mélanger les choses, là, mais il vient de tomber la sentence du jeune Kevin, je pense, qui a tué pour le triple meurtre à Trois-Rivières-Ouest. Là. Eh bien, il a pogné sentence à vie avec possibilité de libération dans 10 ans. Donc, dans 10 ans, il pourrait sortir. Si le gars, il fait tout à son affaire, possibilité de libération dans 10 ans. Elle, 8 ans de prison parce qu'elle a couché avec une conne qui se rendait pas compte que c'était une femme. Elle-même, en tout cas, j'ai de la misère à comprendre, sérieux, vraiment, vraiment beaucoup de la misère. Parce que si je regarde les internautes nous disent, c'est plutôt l'autre qu'on aurait dû enfermer pour avoir été aussi conne. Ben moi, je pense un peu, ben pas l'enfermer, mais c'est ça, là. C'est pas arrivé juste une fois. C'est hallucinant. Un autre ici, une femme, nous dit, ça n'a absolument rien à voir avec une agression sexuelle. Ça, c'est de l'homophobie pure et dure. Il n'y a pas eu viol ni attouchement sans consentement. Je comprends pas. Vraiment, c'est une nouvelle vraiment bizarre. J'aimerais avoir plus de détails sur cette nouvelle. Vraiment. Ici, inquiétude des autorités après la chute de plusieurs objets non identifiés sur Terre. À Murcie, en Espagne, c'est les mois, un objet non identifié de forme sphérique a été retrouvé dans un champ. Après s'être assuré qu'il n'était pas radioactif, l'objet a été transporté et analysé par des experts pour identifier son origine, qui est toujours inconnue. Le même jour, une autre sphère similaire a été retrouvée à 1500 km de là, en Turquie, dans un village côtier de la mer Noire. Ces deux objets sont des sphères d'environ 20 kg chaque. Deux jours plus tard, un troisième objet semblable a fait son apparition dans un autre village, cette fois-ci espagnol, à quelques kilomètres de là, et a été retrouvé où avait été retrouvée la première sphère. Les fermiers locaux ont témoigné avoir aperçu plusieurs boules de feu tombées du ciel. Les citoyens sont inquiets pour leur sécurité et se demandent ce qui se passerait si l'un de ces objets tombait sur eux ou même sur la maison. Hein. L'un d'entre eux ayant laissé derrière lui un petit cratère. Un porte-parole de la police d'Alicante a expliqué aux journalistes que ces sphères pouvaient provenir d'un engin aérospatial ou même d'un satellite. Une piste confirmée par la NASA qui a expliqué que 500 000 débris gravitent autour de notre planète et que certains d'entre eux retombent sur la Terre chaque année. Néanmoins, la fréquence des chutes et la forme de ces objets interpellent. La Guardia Civil a publié des photos de ces objets qui sont très suspects. Allez voir ça. Je ne sais pas quoi en penser, mais très étrange et très, c'est le cas de le dire, très suspect. Wow. T'as peu. Je veux voir. Est-ce qu'on a une... Ouais, je veux plus d'informations, là. Sur l'histoire de... parce que j'ai un autre... Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un article ici. La jeune femme de 25 ans, Chester, se déguisait, s'équipait d'un faux pénis. Exact. Moi, je veux plus de choses. Hein? Tentant une fellation, elle tombe des nues. Sur une période de 2 ans et demi, le duo va avoir une dizaine de rapports sexuels, toujours à condition que la victime se bande les yeux. Kai s'équipera à chaque fois d'un faux pénis attaché à sa taille et ne soupçonne en rien la jeune foi voit régulièrement son ami Gale Fortune, qui est en réalité l'homme avec qui elle couche. Jusqu'au 30 juin 2013, où elle découvre la supercherie alors qu'elle tente une fellation à Kai, elle s'aperçoit qu'il n'a pas de testicules. D'un geste sec, elle arrache le masque de sommeil qui cachait ses yeux et elle tombe des nues. En face d'elle, c'est Kale qui est en réalité sa propre amie, portant un faux sexe attaché à la taille et un bonnet de laine recouvrant ses cheveux ainsi qu'un bandage cachant sa poitrine, le tout recouvert d'un maillot de bain. La plaignante prendra la fuite avant d'envoyer un message enflammé à sa copine, la qualifiant de folle et de fausse personne. Perdue, Gale tentera par la suite de se jeter d'un pont, mais elle y survivra. Devant la cour, elle a confié en sanglotant n'avoir jamais assumé son homosexualité et avoir tout tenté pour se rapprocher de son amie qu'elle aimait par-dessus tout en secret. L'accusée fera plusieurs pauses pendant ses déclarations, ne pouvant respirer tant elle sanglotait. Le verdict est donc attendu en novembre et Gale, alias Kai, a perdu son amie et risque à présent de perdre sa liberté. Ben oui, là, c'est 8 ans qu'elle a pogné. Vraiment, une histoire des plus farfelues, vraiment dîner de coesque, ça, c'est le cas de le dire. Bon, on s'en va dans un autre domaine, c'est le cas de le dire, domaine, vous allez voir, le Palais Royal en Floride est à vendre pour 159 millions de dollars US. Simplement, vous avez toujours voulu vivre dans un château, hein, avec vue sur mer, eh bien, c'est votre chance. Un manoir construit dans le style du château de Versailles est à vendre pour la modique somme de 159 millions de dollars en Floride. Donc, ici, la résidence qui se nomme le Palais Royal est l'une des propriétés les plus chères des États-Unis. Elle fait 5500 mètres carrés, dispose de 11 chambres, 17 salles de bain, d'un escalier en marbre à 2 millions de dollars et du premier cinéma IMAX privé du monde. Ce cinéma IMAX peut accueillir 18 spectateurs, c'est ce que précise Sotheby's International Realty qui gère la vente de cette demeure. Le manoir est situé dans le quartier exclusif de Hillsborough Beach et compte une plage privée ainsi qu'un embarcadère où l'heureux propriétaire pourra apponter un yacht, ou un yacht, comme vous voulez, de 60 mètres. Il pourra également mettre à l'abri ses 30 voitures dans l'imposant garage avant de se détendre dans le spa, à moins qu'il ne préfère soulever de la fonte dans une salle de gym ou transpirer dans le sauna de la suite royale. Le système intérieur est toutefois un peu rococo, avec des sols en marbre d'Afrique du Sud et plus de 300 000 feuilles d'or ont été utilisées pour tapisser la maison, un prix totalisant de 3 millions de dollars juste en feuilles d'or dans la maison. La construction du Palais Royal a pris 5 ans et la maison est seulement achevée à 95%. Il avait été mis en vente à 139 millions de dollars en 2014, mais des travaux supplémentaires ont fait gonfler le prix de la vente. Deux maisons d'invités vont être ajoutées de 280 mètres carrés chacune. Une piscine va être construite entre les maisons, ainsi qu'un vaste ensemble d'attractions souterraines, dont une patinoire, une piste de karting, c'est tout intérieur, souterrain, une salle de king et un espace boîte de nuit, selon toujours Sotheby's International Realty. Ces travaux seront achevés d'ici 2 ans et la propriété est actuellement détenue par le magnat de la construction, Robert Pereira. Sérieux, c'est l'opulence même. Vraiment à voir. C'est wow. Sinon, tiens, restons dans le même domaine. Je vous parle de ma petite maison d'été, la maison la plus chère qui a été vendue au Québec, vendue à 13,25 millions. C'est une luxueuse propriété de l'Estrie qui vient d'établir ce nouveau record pour le domaine le plus dispendieux vendu au Québec. La résidence qui a appartenu au président du groupe Transforce, Alain Bédard, a trouvé preneur pour la modique somme de 13,25 millions. Elle compte une vingtaine de pièces. Elle est située au bord du lac Memphrémagog et repose sur un terrain d'une superficie de 283 000 pieds carrés. Méchante cabane, mais c'est sûr que comparé à l'autre, c'est presque qu'une remise. Non, c'est pas vrai, là, c'est vraiment très gros. Mais tu sais, une maison est à 165 millions, l'autre à 13. C'est pas de la fête la même chose. L'aménagement paysager comprend également 3 maisons d'hôtes, un quai privé ainsi qu'une terrasse extérieure très spacieuse. Quant à l'intérieur, on y retrouve 5 chambres à coucher, 7 salles de bain, une piscine chauffée intérieure, une salle de cinéma maison et une bibliothèque. On peut y ajouter un bureau de réception, un cellier privé et une salle de dégustation, ainsi que 3 cuisines, dont une est conçue pour le service traiteur. La résidence avait été mise en vente au prix de 25 millions il y a 2 ans après la levée d'une hypothèque légale de la part de Revenu Québec. Ah, monsieur payait pas ses comptes. Et puis, l'agence affirmait qu'Alain Bédard n'avait pas payé tous ses impôts au Québec entre 2005 et 2015 et qu'il devait payer 17,6 millions pour régler finalement ses dettes. Revenu Québec avait enregistré une hypothèque légale en guise de mesure de recouvrement. On ignore pour l'instant qui a mis la main sur ce domaine et quel est le statut d'Alain Bédard au moment de sa vente. On se doute de rien. Et puis là, on a des images exceptionnelles de cette demeure plus qu'exceptionnelle à voir. Ici, vraiment une belle nouvelle aussi. Un homme camoufle des canettes de bière en canettes de Pepsi. Hein? Comment faire penser en douce des canettes de bière en Arabie Saoudite? Eh bien, c'est bien simple, en les camouflant en canettes de Pepsi. C'est du moins ce qu'un trafiquant a tenté de faire selon Al Arabiya News, qui a rapporté jeudi donc, que les autorités saoudiennes avaient intercepté un homme à la frontière d'Al-Bata, qui sépare l'Arabie saoudite des Émirats arabes unis. L'homme a voulu introduire 48 000 canettes de bière de marque Heineken camouflées en canettes de Pepsi. Le trafiquant a été arrêté après que les douaniers eurent découvert son leurre pour exporter de la bière en Arabie saoudite où l'alcool est interdit. Un camion transportant ce qui semblait au départ être des canettes de boissons gazeuses Pepsi a été arrêté et après la procédure habituelle de recherche du produit, il est apparu évident que les bières avaient été recouvertes d'un autocollant au logo de Pepsi. Il a fait savoir au directeur général de la frontière d'Al-Bata, Abdurrahman Al-Mana. Une vidéo de l'agence des services frontaliers de l'Arabie saoudite montre le subterfuge. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Hein? Ah là là là là là là. C'est vraiment drôle. Allah, allah, allah. C'est ça que je devrais dire. Hein? Un élu élimine des toilettes publiques et se fait prendre à uriner dans une rue. C'est un conseiller écossais qui se retrouve dans une situation plutôt embarrassante. Quelques mois après avoir fait fermer plusieurs toilettes publiques dans son secteur, les policiers l'ont intercepté samedi pour avoir uriné en pleine rue. Est-ce que c'était Yves Lévesque? Ah non, lui, c'était chez le voisin, hein, chez quelqu'un. L'incident, rapporté par le Telegraph, s'est produit samedi dernier dans le centre-ville de Hamilton, une ville située à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest d'Édimbourg. Jackie Burns, le chef du conseil régional de South Lanarkshire, s'est venu imposer donc une amende de 40 livres sterling, soit l'équivalent d'à peu près 80 $ canadiens, pour avoir uriné dans un endroit public. Le conseiller s'est d'abord excusé pour s'être soulagé près de Hamilton Palace, une boîte de nuit du centre-ville. « J'étais à une station de taxi et j'avais besoin d'aller aux toilettes », a affirmé M. Burns. Ouais, c'est drôle à dire, oui, je sais. « Je suis allé dans une ruelle pour me soulager et j'ai été interpellé par la police qui m'a donné une amende de 40 livres que j'ai dûment payer. Cet incident me gêne et je me suis excusé. » Ironiquement, au printemps dernier, le chef du conseil, avait ordonné la fermeture de plusieurs toilettes publiques dans cette région. Il avait alors montré du doigt les coupes dans les dépenses du gouvernement écossais pour expliquer cette décision. C'est une situation très embarrassante, surtout pour quelqu'un dans la position de Jackie, a mentionné un collègue, le conseiller Peter Craig. Le conseiller a tenté de garder les toilettes publiques ouvertes, surtout pour les personnes avec des handicaps. La situation ne fait que démontrer que ce n'est pas qu'un incident gênant, mais que nous avons tout simplement besoin de toilettes publiques. Ben c'est la base, hein. Quand on a un endroit, une ville ou un secteur urbain important, c'est la base d'avoir des toilettes publiques. Parce que sinon, si les gens se mettent à faire ça un peu partout, on peut pas leur en vouloir. Je suis sûr que le conseil aura beaucoup à lui dire sur l'ironie de cette situation, alors que Jackie s'est battu sur l'enjeu des toilettes, disant qu'on n'en avait pas besoin. Clairement, il n'y en avait pas assez, a conclu le conseiller. Et je pense qu'on peut simplement être d'accord avec lui. Sur ce, eh bien, on va aller en musique tout de suite avec la formation Robopop. La pièce que je vous propose, eh bien, c'est Mercurochrome qu'on écoute à l'instant. Je vous invite à rester là. We'll be right back. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. On accueille notre chroniqueuse plein air à l'instant. Voici Catherine Langlois et la chronique du club plein air et Cutard. Comment ça? Je te disais un peu avant, mais dans d'autres mots. T'sais. Ben oui. Salut Catherine! Salut, ça va bien? Très bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Catherine Langlois! C'est Catherine ben oui. Langlois, tout le monde! Ben oui. C'est là, à la maison. Ben oui. Voilà. Ah, c'est gentil. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va se faire courir après ou on va te courir après pour avoir des informations sur le jogging. Exactement. Hivernal. Donc, continuez le jogging qu'on fait en été puis un peu en automne, à l'hiver aussi. On ne sait pas trop, puis des fois, on garde ça mort pendant une couple de mois, mais maintenant, il y a des petites techniques qu'on peut apprendre pour continuer pendant la saison hivernale tout de même. Bonne idée de se garder en forme. Exactement. Mais la première chose qu'on peut faire par rapport au jogging hivernal, c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde. Donc encore là, c'est sûr que pour les personnes, par exemple, qui font de l'asthme, qui ont des conditions cardiaques ou respiratoires, qui peuvent se permettre de courir pendant l'été parce que c'est des bonnes conditions, l'hiver, en parlez à votre médecin. Donc déjà là, parce que pour certains, le fait que c'est en extérieur puis que c'est vraiment froid dehors dans certaines journées, bien, ça peut ne pas être recommandé. Première étape à faire, savoir si vous êtes en bonne condition pour faire ça. Ensuite, ben c'est sûr, c'est le même principe que quand j'avais parlé de la randonnée. Donc, comment s'équiper au niveau des vêtements, c'est la même chose. Donc, on répète, là, c'est 2 ou 3 couches de vêtements, dépendamment de la température extérieure. Donc, en premier, ben c'est sûr qu'il nous faut une couche pour respirer, donc évacuer la sueur qu'on a. OK, pas porter une couche, là. Non, une couche de vêtements. OK, je pensais qu'on venait encore au quotidien comme l'autre fois. Mais non. Déplacer. Non. Donc, c'est ça, la première pour la sueur, donc pour qu'elle s'évapore là, de notre corps. Puis ensuite, la deuxième, c'est pour garder la chaleur. Très important là, de l'avoir celle-là. Puis la troisième couche, ça dépend là, s'il fait très froid dehors, c'est une isolante. Donc, pour protéger de la pluie, du vent ou encore de la neige là, dans le cas d'un jogging hivernal. Ensuite, petite affaire qu'on oublie souvent, les lunettes de soleil. Ah. Donc, c'est super pratique. Là, on s'entend l'hiver avec les bancs de neige, le soleil qui reflète, c'est aveuglant. Puis aussi, ça fait une protection pour les yeux. Là. Si on a de la neige ou du vent dans la figure, c'est pas vraiment agréable de courir comme ça. On n'a pas envie de faire des 5 km. Et la crème solaire, ça, on l'oublie vraiment souvent. J'aurais pas pensé à ça, j'avoue. Ouais, non, moi non plus. Oui, parce que le reflet là, du soleil sur la neige fait aussi l'effet que ça peut vous faire des brûlures sur les joues. Quand sur le nez. Oui, sur le nez aussi. Donc, on se crème bien pour surtout se garder hydraté à cause du vent. Puis, même chose pour les lèvres, bien important. Là, si ça fend pendant que vous courez, ça fait tellement mal qu'un classique, là, la vaseline ou un lipsil, ça fait la job en masse. Donc, ensuite, au niveau des couches de vêtements, ben c'est sûr qu'il faut savoir qu'il y a 30% de la chaleur du corps qui s'évapore par les pieds ou les mains. OK. Ça, c'est super important. Donc, si vous avez un endroit à focusser, c'est là. Parce que, comment ça fonctionne? Ben vous pouvez prendre des mitaines. Ça, c'est toujours le gros dilemme, là, mitaines ou gants. Ouais, on sait pas vrai. Trop, là, gros débat ce matin. Je vous explique, c'est les mitaines qui sont gagnantes. Est-ce qu'on accepte les réfugiés mitaines? On sait. Les réfugiés, est-ce qu'on accepte ça? Téléphonez-nous sur la hotline. Mais c'est ça, donc c'est vraiment les mitaines qui gagnent parce qu'il y a un partage de chaleur. Donc les personnes qui prennent des gants l'hiver, là, c'est plus ou moins recommandé. Quand il fait pas trop froid, c'est correct, mais on y va pro mitaines. Oui, non, les gants, ça empêche absolument pas le froid de pénétrer. Non, c'est ça. Exactement. Puis il y a la même chose, c'est 40% de la chaleur du corps qui passe par la tête. Donc pieds, mains, tête. Devrait être correct. C'est vraiment important là, de bien se vêtir ça. Puis surtout que ça soit très sec. Donc, encore une fois, je reviens avec le poivre dans les bas. Oui, toujours oui. Une bonne chose. Mais rappelle-nous le poivre dans les bas. Comment t'en mets du poivre? Ben, ça avec dérange pas, c'est sûr, ouais, avec la poivrière. Ouais. Mais il n'y a pas de quantité recommandée. Là. T'en mets suffisamment, ça va pas te brûler non plus. Là. C'est juste que ça va faire un effet de frottement puis c'est ça qui va faire de la chaleur dans tes pieds. C'est intriguant quand même. Tu l'as jamais essayé? Non, j'ai jamais essayé ça. Est-ce que ça enlève l'odeur aussi? Ah non, ça je pense pas. Non, je pense pas. Ça c'est le paprika. mais paprika. Pas des, ouais, c'est ça, mais pas du paprika dans tes bottes. Là, ça va peut-être brûler un petit peu. Donc ensuite, ben c'est sûr l'hiver. Dès que vous êtes mouillé ou peu importe là, que vous avez vraiment trop sué, peu importe, un effort physique, rentrez au chaud pour vous changer avec d'autres vêtements, parce qu'à l'hiver, c'est vraiment pas recommandé là, de suer à grosses gouttes dans son linge, parce que vous pouvez, sans vous en rendre compte, tomber en hypothermie pendant que vous courez un petit peu. Ben, le début de l'hypothermie, dans le fond, comment ça fonctionne? C'est que tellement que vous allez faire un effort physique important, vous vous rendrez pas compte au début que votre corps a vraiment froid et qu'il est en train de tomber en hypothermie. Fait que c'est pas une hypothermie grave, là. Je pense pas que vous allez continuer à courir pendant 5 heures de temps. Ça, là. C'est pas super le fun non plus, tu fais pas genre hypothermie. Non. Non, c'est ça, mais exactement. Donc, dès que vous avez froid ou que vous sentez là, que l'humidité est un peu trop rentrée dans vos vêtements, allez vous changer ou finissez la course un petit peu plus tôt, là. Ça va être plus recommandé pour pas avoir des engelures, par exemple. Ouais. Ça, c'est, ça serait pas confortable non plus, puis ça vous empêcherait de continuer votre jogging hivernal pour le reste de la saison. Donc, au niveau de l'habillement aussi, un indice qui est un standard pour courir, puis comment s'habiller, là, des fois, on sait pas, là, il fait moins 20, je vais-tu courir, je vais-tu pas courir, comment ça se passe? Je réponds toujours non, je vais pas courir, cette question-là, mais bon. Pour les personnes motivées, là. Ah ouais. Donc, on se fie toujours à la température réelle, donc par exemple, là, aujourd'hui, il fait moins 15. Exemple, c'est pas vrai. Exemple, c'est ça. C'est pas le bulletin météo de C'est fou, là. Exactement. Mettons qu'on est en février, là, puis il fait moins 15, le standard, c'est de toujours ajouter 20 degrés de plus à la température réelle pour vers savoir le bas, comment vers s'habiller. Le haut. Par le haut. Okay. Rajoute. Oui. Ajoute. Le pas jeu. Enlever. Enlever. Oui, oui. Et voilà. Okay. Donc, ça ferait que vous devez vous habiller comme s'il faisait 5 degrés dehors. Oui. Et non pas moins 35. Exactement. Okay. Donc, tout de même confortable. Oui. Pour courir, là, vu que vous allez faire un effort physique, c'est ça. Votre température corporelle va augmenter. Je vous dirais, là, vous fiez vraiment à 20 degrés de plus. C'est le standard qui va faire que vous allez être confortable et que vous n'allez pas trop avoir chaud non plus dans vos vêtements. Oui. Ensuite, des semelles à crampons. C'est super important. C'est sûr qu'on ne veut pas tout le temps dépenser pour des nouvelles paires de souliers ou de bottes là, avec les crampons intégrés. Il y a des crampons que vous pouvez mettre à vos semelles de souliers là, ou de bottes qui se vendent un peu partout, là, par exemple. Ça, c'est en caoutchouc, genre, c'est ça. Qui viennent s'adapter. Exactement. Vous n'êtes pas obligé de vous acheter des nouveaux souliers. Là. On sait que ça coûte cher quand même, des souliers de course. Puis en plus, pour l'hiver. Donc, ça se vend. Là, je pense j'en ai vu justement en fin de semaine chez Costco là, à 25$ environ. Ouais, moi, je les vois en pharmacie régulièrement. Il y a c'est tout ça. Ça sur le bord de la porte là, l'hiver. Exactement. Ouais. Les personnes âgées aussi utilisent ça. Là. Ça, puis les claques. Ouais. Suggère pas les claques pour Pardon? Empêcher tes souliers de se salir quand ouais, tu rentres dans, une, ben dans oui. une maison. Tu peux les enlever. Des claques et des semelles à crampons, là. Là, tu look. Exactement. Ah ouais. Tout un beau look. Puis, la technique, comment courir l'hiver, c'est pas la même chose que l'été. C'est le pied droit avant le pied gauche. À la On fait l'inverse. Ouais. Non, ben pour de vrai, c'est vraiment le parcours aussi. Donc, comment ça fonctionne? On a tout le temps tendance à courir en ligne droite, là. On veut faire ça bien simple. Ouais. Par contre, l'hiver, c'est pas recommandé de faire ça. Vraiment tourner en rond. Comme s'il y avait un ours qui te chassait. Ouais, ouais comme... Un petit peu comme si t'essayais de déjouer quelqu'un. Ah, ouais. Tourner en rond tout le temps. Donc, ça, c'est vraiment mieux que de faire une course en ligne droite. Premièrement, ben, ça vous permet de rester proche de chez vous si jamais il y a quoi que ce soit. Donc, si vous vous blessez, si la température a chute ou peu importe, vous devez rentrer parce que vous commencez à être en hypothermie, justement. Ouais. Ça vous permet. Et également, c'est de jamais faire face trop longtemps au vent dominant. OK. Ce qui est vraiment pas bon. Puis en même temps, ça va vous geler tout partout. Vous allez respirer. Puis ça sera pas agréable là, d'avoir le vent très, très froid. Tantôt, il y avait dans C'est un fait le record du monde de la plus longue course autour d'un même bloc à Queens, New York, tu te rappelles? Donc, tournez autour de votre bloc appartement. Hein? C'est pas pire, ça? Oui, exactement. T'as juste l'air un peu... Comment? Quoi? J'ai dit que t'as juste l'air un peu épais, là. C'est pas grave, ça. Hey, regarde-moi, le gars, une... ça draine. Ça peut peut-être aller au niveau du quartier, non? Ah ouais, là, ça serait peut-être mieux. Mais je pensais quand tu disais qu'il fallait changer de parcours, je pensais que tu pensais qu'il fallait qu'on fasse du parcours comme dans sauter ses murs puis ses rampes, puis tu sais, comme du parkour. Non, non, changer le type de parcours. Ouais. Moi, la façon là, dont vous allez courir aussi. Mm-hmm. Donc, il faut raccourcir sa foulée l'hiver. Raccourcir sa foulée, faire des pas moins, moins grands. Oui, exactement. Okay. Ça, on n'y pense pas tout le temps, là, mais il faut vraiment, parce que ça permet d'être plus stable au niveau du sol. Ouais. Puis, on sait, les plaques de glace noire, par exemple, en début de saison, là, on ne les voit pas tout le temps. Ça peut causer beaucoup de blessures. On ne veut pas commencer la saison du jogging hivernal comme ça. Donc, on raccourcit sa foulée, puis on tourne en rond. Ça, c'est la technique à savoir. Puis on évite le noir raciste. Ah, ouais. Ouais, ouais. Mais en effet, parce que tu me fais penser en disant ça, qu'il faut quand même avoir des vêtements voyants. Donc ça, c'est super important. Donc on évite le noir. On porte des couleurs là, vives également. Il y a des dossards qui peuvent se vendre, des choses comme ça, si vous courez. Parce qu'on sait que l'obscurité, le vert, là, ça commence très, très tôt. Ouais. Donc à partir de 4h30 soir, quand vous rentrez de l'emploi, vous voulez pas tout le temps... vous priver de sortir. Donc, allez-y avec les couleurs vives pour être sûr. Et également en sens contraire des autos pour les voir venir. Oui. Bien important. Puis, il y a un petit fait intéressant. Il y en a certains là, qui m'ont dit qu'ils avaient essayé le jogging hivernal. Puis, ils pensaient que c'était vraiment pas fait pour eux là, à cause que ça leur mettait à brûler les poumons. Puis, ils pensaient qu'ils étaient pas en bonne condition physique. Puis que là, c'était fini. Eh bien, non. C'est juste parce que c'est l'air froid qui n'endommage pas les poumons. C'est juste que, comme c'est un irritant... ça va faire une sensation de brûlure. Mm-hmm. Donc, vous allez dire, ah, là, je suis vraiment pas en forme, là. Ça fonctionne pas, mon affaire. Mais non, dans le fond, vous faites juste mettre une cagoule ou un cache-cou. Ça va faire que vous allez respirer dans l'humidité, puis vos poumons ne seront pas irrités. Je pensais juste qu'on allait s'habituer, finalement, on s'habituera pas. Il faut que tu caches ton cou. C'est ça, ouais, exactement. Il y en a qui sont plus sensibles, là. Donc, vraiment mettre une couche de tissu là, devant la bouche, ça va aider. Pour ceux qui pensaient qu'ils devaient abandonner le jogging hivernal, c'est non. Oh, les moi, je pense avoir de raison. Hein? Comme quand on avait 10 ans, là, tout le tour de vieille blanc. Exactement. Donc, ensuite, je vais vous parler des courses. Donc, on sait que cette année, là, depuis les dernières années, peut-être 2-3 dernières années, il y a un engouement pour les courses thématiques. Donc, on peut parler là, du Color Me Rad ou des choses comme ça. Ouais. Puis moi, je me suis intéressée au fait de est-ce qu'il y en a pendant l'hiver? Parce que des courses hivernales, on s'entend que... c'est vrai, hein, ça se voit pas souvent. Non, exactement, surtout avec les thématiques et tout. Donc, on connaît course extrême. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Là, c'est vraiment... c'est à Saint-Calix. Donc, c'est un parcours de 42 épreuves. Vraiment, là, le classique qu'on peut voir un peu, Spartan Race. Mm-hmm. Vous savez c'est quoi, là? Ouais. Avec des pneus vous passez, des tranchées, des sauts de rondins, des choses comme ça. Donc, il y a 42 épreuves différentes. C'est ça. Puis cette année, ils font leur première édition d'hiver. Ah! Donc, c'est le 6 février 2016. Ça s'en vient. Donc, ça va coûter là, jusqu'au 15 décembre 40 $ pour vous inscrire, si vous voulez. Ensuite, c'est sûr que les prix là, sont sujets à augmentation vu qu'on se rapproche de la date. Puis pour les personnes qui disent « c'est super intéressant, mais je pense pas que j'ai le cardio pour faire ça », vous payez 5 $ puis vous faites spectateur de ça. Ah. Donc, ça peut faire une petite sortie si vous avez des amis qui veulent y aller. Puis, c'est un parcours de 5 km. Donc, c'est pas tant pire non plus. Là. Ils estiment, les organisateurs, que c'est entre 30 et 60 minutes là, que la plupart des gens vont le réaliser. Ça se fait assez bien. C'est sûr que là, ça va être l'hiver. Donc, ça risque d'être un petit peu plus long là, avec l'habit de neige et tout. Ouais. Mais pour ceux, justement, qui sont tannés de le faire l'été parce que c'est trop facile pour eux autres. C'est ça. Ça va être un beau défi à faire pour l'hiver. Puis également, il y a le triathlon des neiges aux 4 sommets. Ça, c'est super intéressant. C'est sûr que présentement, ils n'ont pas les dates de sortie. Ils savent que ça va être en janvier, donc il faut rester à l'affût. Mais c'est des épreuves. Dans le fond, le triathlon se fait course à raquette, en patin sur glace, puis en ski de fond. Donc, c'est les trois disciplines qu'il va avoir. Puis ça, c'est à Saint-Alphonse-de-Rodriguez. C'est peut-être un petit peu plus loin. Par contre, ça vaut vraiment le détour. Là. Il y a des très, très beaux paysages. Je peux pas vous donner de prix non plus puisque la date n'est pas confirmée, mais vous pouvez rester à l'affût. Là. Vous avez juste à inscrire aux 4 sommets, qui est le nom de la place, sur Google, puis vous allez tomber là, dessus l'événement sans problème. Mm-hmm. Ensuite, le pentathlon des neiges. Ça, il y en a beaucoup là, qui devraient connaître ça. C'est une semaine de temps, donc du 19 au 28 février. Ça se passe à Québec. Donc, il y a vraiment toutes sortes de courses. C'est sûr, il y en a des corporatives, il y en a d'autres que tu peux faire en solo, en tandem, des longues ou courtes distances. Ça, ça peut se faire à vélo, à ski, en ski ou à pied. C'est vraiment personnel à chacun. Il y a diverses épreuves. Ça peut se faire également en famille. Donc, c'est plein de courses là, que vous pouvez faire. Vous choisissez celle qui est plus appropriée pour vous. Puis, également, là, les inscriptions sont en cours maintenant. Donc, si vous voulez vous inscrire, là, ça peut être quelque chose qui vous intéresse. Puis, Québec, c'est pas très loin non plus. Correct. Donc, ça peut être un événement super intéressant. Là. Également, vous marquez Pentathlon des neiges sur Google, puis vous allez trouver le lien tout de suite. Puis, le pentathlon, il est associé également au défi raquette du Carnaval de Québec. Okay. Donc, je sais pas si vous savez c'est quoi. Non. Non. OK. Ben, ça a l'air d'un mosey racket. Hein? Donc, le défi raquette, ben, c'est simplement qu'il y a un parcours de 2, 4 ou 10 kilomètres que vous pouvez faire en raquette. Donc, c'est des courses. Il y a des prix à gagner là, pour les trois premières places, dépendamment des catégories. Là, ça va en âge également, puis en nombre de kilomètres que vous choisissez de faire. Ça, c'est le 30 janvier 2016. Qu'est-ce qui est vraiment le fun, puisque moi, je suis pas une amatrice là, de courses nécessairement par rapport à la compétition, mais le parcours de 2 kilomètres, il longe le fleuve Saint-Laurent, puis également, là, vous passez par les plaines d'Abraham. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire juste pour le trip de le faire. Oui, c'est beau. C'est ça, exactement. Ouais. C'est super beau, une petite activité extérieure. Parce que comment ça fonctionne, c'est que le 4 km, en réalité, c'est juste de faire deux fois le parcours de 2 km. Donc, vous pouvez le faire seulement une fois si vous voulez, puis ça vous fait une belle petite randonnée en raquette, là, le 30 janvier prochain, après le temps des fêtes, pour perdre un peu du poids qu'on a pris pendant les soupers de famille. Fait vécu. Exactement. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec le défi raquette, vu qu'il est affilié au pentathlon, c'est qu'il y a des rabais possibles quand vous inscrivez aux deux événements. Donc, ça peut aller 10, 15 ou 20 % de rabais pour les inscriptions, dépendamment jusqu'à combien d'événements vous inscrivez au pentathlon et au défi. Donc, présentement, les prix pour le défi raquette, c'est 45 $ jusqu'au 13 janvier. Donc, ça reste quand même là, un petit moment. Vous pouvez vous décider puis en parler en famille également pendant le temps des fêtes pour regarder ça, mais c'est une sortie qui est super là, pour tout le monde. Donc, ensuite, ben moi, j'avais pas mal fini par rapport à ça. Je voulais parler des événements qui étaient à venir pour UQTR. Ben donc, il y en a une couple avant la fin de la session. C'est pas fini. Donc, premièrement, il y a le 28 et 29 novembre. Donc, c'est le samedi et dimanche. C'est un camping hivernal. Ah. Donc, on dit camping. Par contre, là, ça se situe dans un chalet. Faut le savoir. C'est vraiment important. C'est une mensonge! C'est au coût de 25 $ en inscription. Mm-hmm. Donc, comment ça se passe? Là, les gens vont arriver, on a le souper le samedi. Puis également, là, il va y avoir un compteur sur place. On va pouvoir aller faire de la raquette et tout parce que c'est au domaine scout de Saint-Louis-de-France. Oh. Donc, c'est super beau là, comme emplacement. Puis le dimanche matin, on a le déjeuner-dîner un peu style brunch qui est compris aussi avec la nuitée. Donc, pour 25 $ là, vous allez avoir des activités. Puis toute la journée, vous pouvez également là, être dehors et tout. Profitez un peu du plein air avant la fin de session là, qui va s'en venir pour le début décembre. Puis ensuite, pendant la semaine d'après, on a l'escalade. Donc, un classique là, qu'on fait à chaque année, là, c'est l'initiation à l'escalade. Puis également, il y aurait peut-être possibilité d'accréditation. Donc, l'accréditation, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est juste qu'on va avoir le cours d'initiation pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est, s'ils savent pas si c'est bon et tout. Puis ensuite, l'accréditation, ça va leur permettre que s'ils aiment vraiment ça, de pouvoir revenir par eux-mêmes sans nécessairement là, avoir quelqu'un en arrière d'eux tout le temps. Ça. Donc, ils vont pouvoir pratiquer l'escalade de façon plus libre. Donc, nous, c'est sûr que ça se fait à Maïka, sur le bord de l'eau là, à Trois-Rivières. Puis, c'est 40 $ Donc, ça reste quand même là, assez accessible. Ouais. Et il y a encore ma conférence que je vous avais parlé la dernière fois, donc qui va arriver le mi-décembre. La date reste encore à confirmer, mais c'est avec la bloqueuse, si vous voulez aller voir, c'est globelovers.com. Vraiment, là, par rapport à le fait que la côte ouest américaine est allée à Terre-Neuve en auto également, des trips en Espagne, plein de choses, trucs et conseils qu'elle va pouvoir donner là, pour les passionnés de voyage. Et si vous avez des questions ou si vous voulez vous inscrire pour tous ces événements-là, c'est vraiment du lundi au jeudi, de 11h30 à 14h. Vous allez pouvoir venir au local du Cutter, juste à côté de la bibliothèque. Puis il y a du café. Oui, il y a du café puis il y a du thé, tout le temps. C'est devant la cafétéria, à côté de la bibliothèque. Ouais. Un bon petit spot quand même, bien placé pour se faire voir. Exactement. Hein? Après, bien placé pour le savoir à l'UQTR, c'est bien placé pour se faire voir pour le Club plein air UQTR. Page Facebook, Club plein air UQT apostrophe AIR. Exactement. Donc, c'est la page Facebook. Puis vous allez revoir là, la chronique qui est passée ce matin. Oui. Pour les personnes qui pensent qu'ils connaissent des gens qui s'intéresseraient au jogging hivernal. Là, qui sont pas levés à ce temps-là. Exactement. Ils vont pouvoir la réécouter sans problème. Qui vont pouvoir entendre mes jeux de mots comme mettons. Alors moi, je ferais jamais le pentathlon, mais je ferais un pentathlon. Mange des pâtes. Ben oui. Ah, ben oui. Le sommet de randonnée des neiges, je le ferais seulement s'il y avait de la tire d'érable au bout. Ah, ça peut être une motivation. J'avoue que ça me motiverait aussi. Ouais. Je l'avoue. Donc, Catherine Langlois, on te retrouve dans deux semaines. Exactement. Les lundis à 9h. Oui. À Assemblage Requis, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Bonne journée. On se quitte avec une pièce qui fit très bien avec le jogging d'hiver. Oui. C'est du Gilles Jogging. Voici l'effet jogging. Est-ce que vous aimez le jogging? Ouais. Est-ce que vous aimez le jogging? Ouais. Oh. Hey, hey. Alors c'est parti. Salut, je suis Gilles Jogging. En chair et en jogging, 100% jogging et 0% sport. Après grand corps malade, voici gros corps en forme. Si tu es trop stressé, mal dans ta peau, que tu traînes ta misère, alors change de CD car j'ai rien à te raconter. Et si tu viens en jogging à mon concert, sache que tu pourras rentrer. Ah, les chaussures de ville et le jean, c'est pas possible, hein. Tu reviendras quand tu seras en jogging. Hein. C'est l'effet jogging. Du lundi au dimanche, en été, en hiver, de jour comme de nuit. C'est l'effet jogging. 100% coton qui rentre dans la vie. 100% synthétique, c'est l'effet jogging. C'est vrai que c'est agréable à porter. Il fait cet effet-là. Ouh là là, c'est l'effet jogging. C'est l'heure de la révolution du jogging. Hey, hey, tu te souviens sans doute pas de moi, mais j'étais là dans une de tes soirées. Tu te souviens sans doute pas de moi, mais j'étais là à t'écouter parler des heures et des heures de toi. Tu te souviens pas de moi, mais j'étais là quand tu faisais le cake et le one again en face de moi. Alors du fond du cœur je te remercie, car si cet album existe, c'est un peu grâce à toi. Alors si tu te reconnais dans mes textes, faut pas que tu te vexes, mais jette ta cravate, ton jean et ton smoking, et viens nous rejoindre avec ton jogging. Hey, hey, c'est l'effet jogging. Tu m'as dit au dimanche, en été, en hiver, de jour comme de nuit, c'est l'effet jogging. 100% coton qui rentre dans la vie. 100% synthétique, c'est l'effet jogging. C'est vrai que c'est agréable à porter. Qui fait cet effet-là? Ouh là là, c'est l'effet jogging. C'est l'heure de la révolution du jogging. Ouh là là, prépare-toi. Prépare-toi, prépare-toi. En hiver, de jour comme de nuit, c'est l'effet jogging. 100% coton qui rentre dans ta vie. Ou 100% synthétique, c'est l'effet jogging. C'est vrai que c'est agréable à porter, hein. Qui fait cet effet-là? Ouh là là, c'est l'effet jogging. C'est l'heure de la révolution jogging. Ouh là là, là. Salut, je suis Gilles Jogging. Et ah, toi, t'es qui? Et toi, t'es qui? T'avais hâte qu'elle finisse, hein? Ben, c'était bon, hein? C'est un genre. Gilles Jogging avec l'effet jogging. Un habitude, c'est fou. Un habitude du dîner de con, surtout avec Danny Janvier. Nous, c'est la première fois ou depuis longtemps, en tout cas, qu'on l'a fait jouer à Sondage Rocky. Donc voilà, pour l'effet jogging, ça allait avec la chronique sur le jogging hivernal de Catherine Langlois. C'est pour ça. Il y a une raison derrière tout. Voilà. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage Rocky de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Un peu de soutien à nos amis français, on n'en a presque pas parlé à date. Attentat de Paris, la Marseillaise, est chantée par tout le stade de Wembley dans l'avant-match contre un match de foot France-Angleterre. Ce mardi, donc, quelques minutes avant le coup d'envoi du match France-Angleterre, les supporters français et anglais ont chanté ensemble la Marseillaise. 70 000 supporters anglais et français ont ainsi rendu un hommage à toutes les victimes des attentats de Paris. Ça, on peut pas trouver ça. On peut pas être contre ça, là, quand même. On va écouter voir qu'est-ce que ça donne. Stade Wembley qui chante la Marseillaise, ça peut arriver chaque année. Le jour de gloire est arrivé. Merci. Merci aux Anglais pour cette magnifique Marseillaise. Vraiment, hein? Merci aux Anglais pour cette magnifique Marseillaise. Même les Anglais qui chantaient en français, c'est quand même assez extraordinaire. Moi, j'aime ça. Sur ce, attends un peu, je vais aller voir, je voulais vous préparer une petite pièce. Attends un peu, c'est où? Attends un peu, égalité. Ah, c'est maudit. Attends un peu, téléphone, moustache. Ah oui, la 7. Excuse, parce que je veux vous préparer une pièce musicale, tu sais, parce qu'il faut quand même faire un petit pied de nez à ça, on est dans le dîner de con. Alors, on continue. C'était justement les Anglais qui ont entamé et entonné, pardon, cette pièce, cette Marseillaise chantée par tout le stade de Wembley. Ici, un homme sans permis de conduire prend un policier en stop et se fait même une petite ligne de coke. C'est pourquoi pas. Donc, un homme de 36 ans qui pensait bien faire en prenant en stop un policier en civil lui a confié qu'il roulait sans permis avant de se faire une ligne de cocaïne et de se retrouver en garde à vue. Ben oui, hein, tu veux aider, puis c'est ça qui arrive. Dans la nuit de mardi à mercredi, le conducteur habitant Reims, eh bien, attends un peu, oui, habitant... Donc oui, un habitant de Reims prend l'autoroute A11 à hauteur de Chartres. Le policier hors service, âgé de 34 ans, est en train de faire du stop pour se rendre à Nantes après un covoiturage qui a été annulé. Après avoir mais par exemple, on n'est pas supposé de faire du stop sur l'autoroute... En tout cas, c'est ça de même. Après avoir expliqué lors du trajet qu'il n'a pas de permis de conduire, le chauffeur s'arrête sur le bas-côté de la route pour uriner. Avant qu'il ne remonte en voiture, il est surpris par son passager resté dans l'habitacle en train de sortir sa carte d'identité pour se faire une ligne de poudre blanche qu'il renifle avant de prendre le volant. Prévenus par leurs collègues au lieu et à l'heure de l'arrivée, les policiers ont cueilli le chauffeur au petit matin en gare de Nantes et l'ont placé en garde à vue pour défaut de permis de conduire, a-t-on indiqué via la même source. Parle pas de la coke, par exemple. À Mexico, eh bien, c'est le cochon nain qui est le nouvel animal domestique à la mode. Oh, c'est cute! Non, c'est laid, sérieux, c'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, au pire, hein, si t'as faim, ben, tu te nourris de Fido. Au bout de la laisse, on dirait un petit chien trapu vêtu d'un pull, mais il n'aboie pas, il pousse des petits cris. Hein, c'est ça? Ça me fait tousser, faire ça. Aïe, aïe. Donc, une espèce de cochon miniature qui fait fureur comme animal domestique à Mexico. Et là, je cite un propriétaire. « Dans ma famille, on est à moitié fou, on n'est pas normal », confesse Tania Lozay, une femme au foyer qui a adopté il y a un mois l'un de ses cochons de taille d'un caniche. Il est devenu la coqueluche de son fils Alan. J'ai vu des petits cochons vietnamiens dans une ferme et j'en suis tombée amoureuse. J'ai dit « j'en veux un, j'en veux un, j'en veux un ». Et c'est comme ça qu'est arrivé Miku. Miku s'est facilement adapté à la vie familiale, imitant les membres à la perfection. Pour leur plus grand bonheur, il court, il crie également. Il lui sourit et il assure qu'il sourit aussi. Hein? C'est comme une petite sœur, s'enthousiasme Tania, et contrairement aux idées reçues, il est propre et prévient mon mari quand il veut faire ses besoins. La mode est née il y a quelques années en Europe avant de gagner l'Asie. Les États-Unis, on la retrouve étonnamment jusqu'au Mexique, un pays amateur de porc dans l'assiette où les amoureux de cochons en laisse sont prêts à débourser entre 360 et 1800 $ pour en acquérir un. OK. Mais moi, c'est ça, le cochon, il est bon dans l'assiette. On apprend que Paris Hilton en a un. Oh, qu'on est surpris. La véritable Xanthal Bobabila s'est lancée dans l'élevage de ses petits animaux quand elle s'est rendue compte de leur popularité. Les gens sont contents et surpris quand ils voient un petit cochon, dit Xanthal, pendant qu'une femelle noire vêtue d'un tutu rose se blottit contre elle et son autre cochon. Ben, de toute façon, là, qu'on aime les animaux ou pas de compagnie comme ça, là... L'habiller en tutu rouge, come on, s'il vous plaît, hein? Se blottir, sérieux. Goose Freddy, lui, est au pelage blanc tacheté. Il joue avec les chiens qui le reniflent, intrigué. Sur les 12 cochons nains qui a été élevé par Xanthal, 10 ont déjà trouvé preneur. La vétérinaire indique avoir des commandes en attente, dont certaines en provenance d'autres pays d'Amérique latine. Moi, j'ai vu que Paris Hilton en avait un, c'est pour ça que je me suis décidé à en acheter un, explique Diana Mendez en promenant son atypique animal de compagnie dans le quartier aisé de Polanco. Au Mexique, le vétérinaire José Halanis est un pionnier dans ce domaine. Maintenant, les cochons nains sont à la mode grâce aux réseaux sociaux et aux stars comme Paris Hilton, mais il y en a toujours eu. C'est ce qu'il affirme, avançant le chiffre de 3000 cochons nains déjà domestiqués dans le pays. Les plus recherchés, et donc les plus chers, sont ceux de couleur rose, car on les associe à la fantaisie, aux contes pour enfants, etc. L'origine de l'espèce remonte à un demi-siècle, fruit d'une sélection génétique entre races de petite taille du Vietnam et d'Europe. Ces créatures étaient destinées au départ à servir de cobayes en laboratoire. En raison de leur similitude avec les humains et de leurs grands avantages adultes, ces cochons nains pèsent généralement moins de 40 kilos. L'espèce vietnamienne peut toutefois, elle, atteindre jusqu'à 120 kilos. Pour les scientifiques, ce n'était pas pratique de travailler avec des animaux grands et lourds. Se souvient José Alanis, qui élevait autrefois des micro-cochons pour les recherches médicales. Désormais, le cochon nain domestique est une mode en pleine expansion et comme cela a été le cas avec les chiens, cela va se stabiliser, oui, et viendra même un déclin, mais cela ne va pas disparaître, affirme-t-il. Adopter un cochon nain implique d'apprendre comment en prendre soin, comment communiquer avec lui. Donc, c'est ce que nous avertit Xantal Bobabdila, qui conseille certains clients un peu désarçonnés les premiers jours. Quand il fait froid, ils se mettent derrière le réfrigérateur pour aller capturer la chaleur dégagée par l'appareil. Le premier endroit qu'ils identifient, c'est la cuisine, car ils ont toujours faim. Ils demandent à manger en grognant et si vous les ignorez, ils poussent des cris. Ils sont timides car dans la nature, ce sont des proies. Ils ne sont pas très dépendants. On peut sortir et les laisser sans se dire qu'ils souffriront en vous attendant derrière la porte, comme le font les maudits cabots. Son associé Daniel Munoz n'a lui aussi que d'éloges envers ses animaux. L'intelligence des cochons est supérieure à celle des chiens. Ils sont propres, ne laissent pas d'odeur car ils n'ont pas de glandes sudoripares et ne provoquent pas d'allergies. J'avoue, plein d'avantages. Et comme je vous ai dit, ça fait du méchant bon bacon très, très frais aussi. José Alanis estime qu'il faut en général 18 mois pour savoir si on aime ou on aime ou pas avoir à la maison un cochon nain. Un jour, la police en a trouvé un abandonné dans la rue à Mexico et l'histoire s'est vite terminée. Les policiers n'ont dit personne ne l'a réclamé. Donc, vous savez, il a fini à la casserole. Ben, c'est ce que je me disais. En cas de disette, un cochon, c'est quand même pratique. Ici, apprivoiser les kakis et apprendre à les cuisiner. Hein? Vous avez certainement déjà aperçu ce fruit sur les étals du marché sans pour autant l'avoir acheté. Pourquoi? Eh bien, le kaki est un fruit encore méconnu. Les gens ne savent pas trop ce qu'il goûte et comment le déguster ou même le cuisiner. Pourtant, en Espagne, le kaki est un fruit aussi commun que la pêche ou la poire ici. Ce sont d'ailleurs deux fruits auxquels il s'apparente le plus de la mangue. OK. Il existe différentes variétés de kaki et nous devons avouer que nous étions pas de grands consommateurs de kaki avant de découvrir la variété persimon qui vient de Ribera del Xúquer en Espagne. La chair du fruit est plus ferme et plus sucrée. En plus, on peut manger le fruit comme une pomme avec la pelure puisque celle-ci est très mince. En plus, les kakis de la variété persimon sont plus gros. Parce que moi, j'en ai vu des kakis et puis la peau était trop dur pour pouvoir la manger. La saison du kaki vient tout juste de commencer, et ce, pour quelques mois. Alors, mettez du nouveau dans votre menu et essayez les kakis persimon prêts à déguster. Le kaki est un fruit riche en vitamine C, en fibres et en potassium. Profitez des bienfaits de sa pelure qui se mange dans le cas de la variété persimon et qui regorge de vitamines et de minéraux aussi. C'est ce fromage... Ça ressemble à une... je vous dirais, ça ressemble presque à une tomate. OK, si vous voulez savoir un peu c'est quoi, puis ça vous dit rien. Ça ressemble un peu à une tomate, mais plus orange. Hein, ça peut dire ça. Et puis, d'habitude, comme moi, ce jeu que j'avais déjà vu, eh bien, c'était mou à l'intérieur. Mais là, ceux-là sont plus fermes, semble-t-il. Donc, pour ajouter une touche festive et chic à vos plateaux de fromage dans le temps des fêtes, pensez à y ajouter des tranches de kaki persimon pour faire changement des pommes ou des raisins. Vous aimez la populaire entrée de melon et prosciutto? Pourquoi pas l'essayer en remplaçant le melon par des quartiers de kaki? C'est la chef Marie-Fleur Saint-Pierre du restaurant Tapéo et Maison qui a été mise au défi de cuisiner un repas trois services avec le kaki. Et pour vous donner de bonnes idées, elle a proposé en entrée une salade de mâche avec des juliennes de kaki, des noisettes et du fromage bleu. En plat principal, une poitrine de poulet avec une sauce au jus de kaki, de petits cubes de kaki frais accompagnés d'une tomate confite. Ça ressemble à une tomate, pour vrai. Le kaki serait également excellent en salsa pour accompagner un poisson, par exemple. Le kaki est tout aussi indiqué pour les desserts en salade de fruits et dans cette recette originale de croustade aux canneberges et kaki créée par la chef Marie Saint-Pierre. Pour en savoir plus sur les kaki persimon, visitez le kakipersimondi.com. Et puis, rendez-vous sur la page Facebook du Dîner de con pour avoir plus de détails par rapport à cette recette. Ici... Le châtelon. Savez-vous c'est quoi le châtelon? Eh bien, le châtelon, c'est le tout premier salon du chat à Montréal. Oyez, oyez, amis félins ou amis des félins, hein? Le tout premier salon du chat montréalais ou le châtelon se tient en ce moment au sous-sol de l'église Sainte-Bibiane. Du joujou pour matou au coussin ou au cossin. brodé chat, on y trouve de quoi satisfaire aussi bien son animal de compagnie que son amour pour la petite bête. L'organisatrice de l'événement, Geneviève Lesage, le définit comme un salon d'artisanat centré sur les chats. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges, dit-elle. Il y a même des maquilleuses. On peut se faire peindre les ongles. On a de la vidéo qui passe en continu avec des centaines d'heures de vidéos de chats. Vraiment, les amateurs de chats sont gâtés. Et là, on a un genre de diaporama avec une quinzaine de photos. Allez voir ça si les chats vous intéressent, bien sûr. Et puis, est-ce qu'on va faire ça, retour? On va le faire rapidement. Je vous envoie ça, c'est 10 raisons de faire un retour sur les pentes cet hiver. Et puis, je vous le fais parce que je veux me le faire. Ça fait, je vous dirais, au moins 10-15 ans que j'ai pas été sur des pentes de ski. Pourtant, j'ai tout mon équipement, je sais qu'il doit être passé date, mais il est neuf encore parce que la dernière fois, il était neuf. Puis je ne l'ai pas repris. C'est pas du ski, c'est du snowboard. Mais en tout cas, peut-être que ça va me donner le goût. Hein? Parmi vous, plusieurs sont des skieurs du passé. Vous savez, ceux qui ont appris quand ils étaient jeunes et qui ont continué pendant quelques années au secondaire et qui ont pris une espèce de retraite hâtive, faute de temps, d'argent et d'effets d'entraînement. Ce petit palmarès s'adresse à vous ou alors vous êtes peut-être la conjointe, le père, la sœur ou l'autre. Tentez de convaincre quelqu'un de s'y remettre. Voici de quoi vous aider à convaincre un futur ex-ancien skieur. Jamais été un ancien. Je peux pas me qualifier d'ancien skieur, mais j'ai quand même fait quelques fois de la planche et puis j'aimais bien ça et puis ça me faisait apprécier l'hiver que j'aime pas. Hein? Pour faire un retour sur les pentes, c'est justement avoir hâte au retour de l'hiver. Une des meilleures raisons, je pense, c'est ça, parce que quand on aime faire un sport d'hiver, ben on apprécie plus la saison. Ça va de soi. Deuxième raison de se remettre au ski, se remémorer de bons souvenirs et bien sûr en créer de nouveaux, hein, parce que les souvenirs, saviez-vous, c'est la meilleure façon, c'est la chose qui est le plus important dans une vie. Puis c'est vrai, c'est pas pour rien qu'on fait de la photo et puis tout ça, parce que on a beau savoir acheter une voiture, s'acheter un nouvel ordinateur, s'acheter ci, s'acheter ça. C'est quoi qui est le plus hot, c'est de dire « Hey, je me rappelle quand on est allé à telle place ensemble. Je me rappelle quand on est allé avec les enfants à telle place ensemble. On a loué un chalet, etc. Hein? » C'est se remémorer de bons souvenirs et s'en fabriquer de nouveaux. Ça, c'est bien. Rencontrer aussi des passionnés, parce qu'en ski, les gens sont assez passionnés. Hein? On a des gens qui sont vendus au ski. Et que c'est leur mode de vie. Fait qu'on rencontre des gens passionnés, que ce soit au détour d'une table ou dans le chalet, hein, ou même en partageant une montée dans le télésiège ou dans une petite pause dans un sous-bois, eh bien, vous serez toujours en contact avec des skieurs et des planchistes passionnés. Ils sont là, beau temps, mauvais temps, avec la ferme intention de profiter de ce que les conditions ont de mieux à leur offrir. Ils vous donnent des trucs, des conseils, des suggestions, etc. Autre raison de se remettre au ski, eh bien, vivre la sensation de la plénitude en fin de journée. Oui, votre journée sera complète. Vous aurez bougé, pris de l'air, découvert des choses, pratiqué des mouvements, profité de la fantastique mémoire de vos muscles qui se souviennent pas mal mieux que de votre mémoire mentale. Et donc, vous vous asseoirez devant votre souper avec une saine fatigue, celle qui vous fera vous endormir en souriant et vous fera peut-être rêver à votre prochaine escale. Ah, c'est tout à fait vrai. Quand on a fait quelque chose d'intéressant, même si on est tanné, puis c'est fatigué, puis le retour, il est plate, ou, tu sais, le retour en voiture, des fois, c'est long, c'est plate, t'es fatigué, puis t'as faim, puis tu veux aller te reposer, eh bien, t'es bien, tu te sens comme « wow ». Dans la cinquième raison de se remettre au ski, avoir un esprit sain dans un corps sain, bonne façon, finalement, de faire de l'exercice, hein, pas besoin d'aller au gym, on s'en va dehors, on bouge pour vrai. On peut aussi magnifiquement admirer, bien sûr, la beauté des paysages. On peut pas rester insensible à ça, admirer un superbe panorama rempli de neige quand il vient juste de tomber une superbe grosse neige dans certains endroits aussi, comme au massif ou des endroits de même où c'est presque des pentes sauvages. Ou bien si vous avez la chance d'aller au BC, certaines montagnes majestueuses. C'est vraiment beau, là, voir l'hiver dehors en nature, c'est extraordinaire. On peut aussi... une autre raison, ce serait pratiquer une activité rassembleuse pour tous, hein, avec toute la famille, autant la conjointe, les enfants, tout le monde aime aller jouer dehors. Trouver de nouvelles excuses pour de petits ou de grands voyages. Eh bien oui, s'évader une fois de temps en temps, c'est bon pour le moral, que vous pensiez à une simple escapade de fin de semaine ou à même un voyage de 10 jours. Le ski alpin deviendra de motivation dans la planification de votre périple. Comme moi, mettons la photo, c'est sûr que quand je vais en voyage, ben c'est sûr qu'il y a une grosse activité dans ma... Il y a une grosse période de ma vie en voyage, ben va être consacrée à faire de la photo ou de la vidéo. Alors, c'est des belles excuses. Autre truc pour se remettre au ski, eh bien, le plaisir de surmonter des défis. Hein? La meilleure façon de progresser et de travailler sa confiance en soi, c'est ça. Hein? C'est remonter des défis. Les stations de ski offrent des pistes pour les skieurs de tout calibre et vous aurez tout le loisir de solliciter votre courbe d'apprentissage à votre rythme. Hein? Et puis, ça fait du bien, une bonne dose d'adrénaline qui vous envahira après une belle descente, que ce soit dans les bosses ou les sous-bois, ou même dans une piste bien simple ou même à inclinaison très forte. Et finalement, autre raison de se mettre au ski, profiter pleinement, oui, bien sûr, de l'après-ski. Hein? L'ambiance festive qui règne dans un chalet à l'après-ski est unique. Les skieurs se retrouvent après une bonne journée dehors et les anecdotes fusent de toutes parts entre chocolat chaud, verre de bière, souper fondu et plat de nachos. Si vous êtes un skieur de chalet qui assistait un peu médisé aux effusions de plaisir des skieurs de montagne, vous vous êtes sûrement déjà senti un peu à part. N'attendez plus, vous aussi, vous méritez de partager vos anecdotes et de savourer votre après-ski. Eh bien oui, c'était les 10 raisons de se remettre sur les pentes. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. J'ai remarqué qu'une de mes collègues d'émission a volé mon crayon pour s'écrire une feuille recto-verso sur le divertissement, les loisirs et la récréologie. Oh! J'accuse Marie-Laurence Audet dans le studio avec mon crayon. Hein? Comme à clou. Ben oui. Ben oui. Marie-Laurence Audet, bonjour. Bon matin. C'était même pas vrai. C'est même pas vrai. Ma chronique t'est déjà écrite. C'est ça, avec le crayon de quelqu'un d'autre que t'as volé. Ah, peut-être. Tu restes une criminelle endurcie à mon idée, à mon avis. On vole des preuves. Non, par contre, je pense qu'à la place de te faire prendre des empreintes digitales, tu t'es fait installer du vernis ses ongles ce matin. Oh, hein? Arrête, ça c'est une soirée de fille qui a mal viré. C'est gênant, ça, c'est gênant, mais ça sent en studio le vernis à ongles. Vous trouvez? Non, mais elle a dit ça dans le Marie-Laurence est comme, ça pue! Ça pue! Mais c'est vrai. Pas habitué de te sentir les ongles de même. Non. C'est ça. Elle a juste l'air traumatisée. Bon. Bref, ça c'est une activité qu'on pourrait faire en groupe et ce serait un loisir, mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Ben dommage, on parle pas de ça en matin. Pas de partie de fille. Oh. Cherchez pour ta partie de fille. Prochaine fois, ouais, c'est ça. Je garde ça en tête, ça vous intéresse, cher téléspectateur. Oui, c'est une vraie Marie-Laurence tout pas un matin, Marie-Laurence. Oui, donc ce matin, je l'ai abordé avec vous un article que j'avais trouvé, puis le titre était vraiment accrocheur, fait que je vais vous le présenter tout d'abord avec le titre. Juste pour le titre. Ouais, puis après, on change de sujet. On parle de vernis. En fait, c'est un article qui a été écrit par André Thibault, donc avec l'Observatoire québécois du loisir. Puis le titre, c'était « Garder ou perdre le rythme, un enjeu existentiel pour les services publics de loisirs ». Puis ça m'intriguait. Je me disais, de quoi ils vont parler « garder ou perdre le rythme » Est-ce qu'on est dans une situation où il faut tout remettre en question? T'sais, de quoi ils allaient parler? Ouais. Finalement, il faisait état que suite à la conférence annuelle du loisir municipal, cette année, le thème était « Garder le rythme ». De là, oh! Ben de oui. Là, il avait pris le titre. Commencer par rythme FM, non. Oh. Ah, non. Non. En fait, c'est qu'il définissait qu'un service des loisirs qui gardait bien le rythme, mettait à disponibilité de ses citoyens toute une programmation avec des coûts très acceptables selon les normes. Fait que, tu sais, en fonction du salaire minimum, en fonction des coupes budgétaires et tout, quand la programmation de loisirs reste très accessible, on est dans un service public qui garde le rythme. Ça serait un peu, si on compare avec le secteur privé, qu'on reste concurrentiel quand on reste dans la course. Parce que service public, c'est pas notre privé, c'est public. Et Le service des loisirs, contrairement au privé, c'est qu'il vit aussi au rythme beaucoup des politiques, puis la ben, tout le côté des choix politiques, des choix démocratiques qui sont politiques, qui sont hors de leur contrôle. Si la personne en place change, puis que ses priorités ne sont plus le loisir, si ses priorités deviennent les saines habitudes de vie, si ses priorités deviennent de développer au niveau de la voirie, ça a un impact sur toute la mise en place du service des loisirs, parce que ça fait c'est un des services offerts par une municipalité. Donc, de vivre à ce rythme-là, contrairement à l'entreprise privée, ça peut aussi nous mettre des bâtons dans les roues ou accélérer le processus. De là aussi le concept du rythme. Puis, le loisir public, en fait, il poursuit des objectifs de bien public. Fait que, contrairement à un pourvoyeur de fonds qui vise à faire de l'argent, qui vise comme une entreprise privée, le loisir public est beaucoup plus considéré comme un intervenant. On parle de santé, on parle d'intégration sociale, on parle de faire une différence dans nos communautés, comme j'en parle régulièrement. Donc, le service des loisirs, c'est pas un pourvoyeur. C'est vraiment là pour, en prévention, mais aussi en intervention. Puis j'aimais comment il disait dans l'article, on peut pas rester la remorque du rythme des autres secteurs. On a un rôle influent, dans le fond. On devrait donner le rythme à l'offre de loisirs qui a lieu dans les communautés. Parce que le privé, le communautaire ou autre se fie quand même sur le service public qui reste la base offerte à la communauté. On devrait être la charrue qui est devant le bœuf. Et non pas la remorque derrière... Le dos du... C'est ça. La mule. La mule, voilà. En fait, ça remettait en question comment est-ce qu'on peut garder ce rythme-là sans devenir périmé non plus. Parce que garder le rythme, c'est comme garder une constance. Et si on reste constant dans une formule gagnante, on stagne, les gens vont dire « tu réponds plus aux besoins qui ont changé ». Donc, on veut garder le rythme, mais en même temps, on ne veut pas devenir périmé. Donc, on veut innover aussi. Exactement. Mais en même temps, un peu le principe d'un sprint ou d'un marathon, tu ne peux pas aller toujours en accélérant. Tu vas t'épuiser, tu vas t'étouffer. Fait, comment tu gardes le rythme? Comment tu innoves? Comment tu périmes pas? C'était vraiment toute la remise en question de l'article de fond, puis je trouvais ça très, très, très pertinent. Un changement constant. Une adaptation constante. Oh, que c'est bien dit! Tu devrais écrire un article. J'ai plus de crayon! Je vais te donner du vernis à ongles. Et le premier élément qui était abordé, c'est qui est-ce qui donne le rythme dans ces villes-là? Qui c'est que vous pensez? Le maire, non. Un conseil d'administration. Un conseil, quelconque. Ouais, quelque chose de genre. En fait, ça disait que la croyance populaire pensait que c'est la population qui donnait le rythme parce que c'est eux qui participent. Ah, ben oui, à un certain point. Mais non, vous aviez raison. C'est souvent plus les élus qui ont un impact. C'est le maire pour vrai? Le maire, ses conseillers, les élus, les différents partenaires aussi autour qui offrent des activités. Parce que c'est eux qui vont orienter, selon les planifications stratégiques, c'est eux qui vont orienter les priorités, qui vont aussi les interpréter. Nous, on pense que notre population a besoin d'eux. Les grandes lignes. Eux, ils ont fait une évaluation de marché un peu comme ça, puis ils pensent que c'est le même que ça marche. Ils ont interprété le besoin comme ça parce qu'ils ont parlé à lui puis elle là-bas. Fait que vu qu'ils orientent les décisions, qu'ils interprètent les décisions, c'est eux qui ont le plus gros bout du bâton, si on peut dire ça comme ça. Ils sont au-dessus de leurs affaires pas mal, en plus. Oui. Puis en fait, c'est que dans les années 90, on a donné aux associations sportives, culturelles ou autres de loisirs le mandat de fournir le service des activités. Alors, tu avais le service des loisirs et sous lui, les différentes associations qui l'offraient, qui étaient en lien direct avec la clientèle. Mais ils ont pris plus que ce qu'on leur a donné en tant que responsabilité. Ils ont pris aussi toute la fonction de connaissance et de défense des besoins de la population. Fait que le service des loisirs, c'est un peu vu les mains liées parce qu'il avait délégué une partie, c'est fait prendre une très grosse part du gâteau. Et de là, il a perdu aussi un peu le contrôle, il a perdu le contrôle de ce rythme-là qu'on essaye de garder. En fait, il y a eu beaucoup de changements puis de remises en question, un peu comme tu mentionnais, là. On veut innover, on veut être toujours en constante évolution. Et depuis les 20 dernières années, on a remarqué une différence dans les pratiques de loisirs. Premièrement, les gens sont devenus ils pratiquent beaucoup plus au niveau individuel. Ce qu'on veut dire par là, c'est plus de la pratique libre qu'organisée. On a vu que de plus en plus, les pistes cyclables étaient plus utilisées, que les sentiers pédestres étaient une activité beaucoup plus pratiquée que, par exemple, un cours de danse tous les mercredis soirs à 19h. Les gens ont besoin de gérer eux-mêmes leur propre temps parce qu'ils sont déjà dans une structure de travail où est-ce qu'on leur dicte quoi faire, où est-ce qu'ils sont back-à-back dans des réunions. Là, je décide que je pars marcher, puis si je pars 2 heures, je pars 2 heures, puis si je pars dans 20 minutes, je pars dans 20 minutes. Laissez-moi faire. Fait que c'est plus de mettre à disposition des éléments qui vont faciliter leur pratique libre et non pas juste un encadrement régulier. Parce qu'ils ont plus le temps aussi, ils ont un horaire trop instable qui fait que tu peux pas t'inscrire pour 12 semaines dans un cours où est-ce que t'es pas sûr que tu vas pouvoir y aller toutes les semaines. L'engagement à ce niveau-là est plus difficile. Donc, dans les changements remarqués depuis 20 ans, la pratique plus libre, le niveau plus individuel de la pratique, la difficulté des organisations de loisirs à remplir leurs cours, comme je disais, là, les activités qui sont régulières, l'achalandage des pistes cyclables, des sentiers pédestres, les municipalités qui adoptent plus des politiques famille, aînés, saines habitudes de vie, qui se voient plus comme un institut démocratique où est-ce qu'ils font valoir des valeurs que juste de la programmation et de l'offre d'activités. Puis on a aussi une grosse difficulté à tout le recrutement d'administrateurs et de bénévoles dans les associations. Et le monde du loisir, sans ces bénévoles-là, a de la difficulté à rouler parce que c'est... on roule pas sur l'argent, on roule beaucoup sur de l'investissement de temps, du don de soi, de l'implication et tout. Donc, présentement, en 2015, on peut pas affirmer que l'ensemble des organisations de loisirs répondent à l'ensemble des besoins et des attentes de la population. On est devenu plus sectoriel. Fait que t'as une organisation qui est spécialisée en culture, t'as une organisation qui est spécialisée en sport et autres, mais ça là, c'est pour ses comptes. Dans une petite municipalité, t'auras pas accès à tout ça. Tu vas avoir un qui est proche, puis c'est la culture, fait que ce village-là, cette ville-là va être plus culturelle, mais aura pas accès autant au sport. Les grandes villes ont cette chance-là d'avoir accès à tout avec des secteurs plus poussés, mais d'avoir le principe du centre communautaire qui offre l'ensemble l'ensemble des possibilités. C'est peut-être plus gagnant aussi, juste pour le jeune qui initie puis qui apprend à se découvrir. Si lui, il n'est pas culturel dans la vie, si sa force était plus sportive, il n'y a pas un potentiel de développer tout son développement non plus autour de lui. Sinon, il y a aussi beaucoup une plus grande concurrence entre les associations, le fait qu'ils ont de la difficulté à remplir leurs cours. Ils se voient... Le territoire devient un peu leur zone en disant « Ben moi, c'est parce que j'aimerais ça au moins rentrer dans mon argent qui a fait rembourser mes animateurs et autres. » Donc, il y a une plus grosse... Avant, il y avait ce partage de monde-là. « Ben, regardez, j'ai trop de monde, allez chez le voisin. » Là, c'est mon monde à moi. Puis, on a aussi remarqué dans les changements des 20 dernières années une nouvelle vague de professionnels en loisirs qui est arrivée sur le marché du travail puis qui a un plus grand intérêt à connaître les besoins de la population. Donc, on va voir beaucoup des sondages, on va voir beaucoup des études, des recherches à connaître c'est quoi que les gens veulent vraiment pour vraiment adapter la façon de faire, alors qu'avant, les gens fonctionnaient plus en modèle cafétéria. On vous offre tout ça, choisissez là-dedans, puis on verra ce qui fonctionne pas, puis on l'enlèvera l'année prochaine. Maintenant, on peut plus se le permettre autant financièrement que par les différentes situations qu'on vit contextuelles. Fait que là, on a besoin de faire des études à dire, quand je vais le partir, ce cours de Zumba-là, il faut que je m'assure qu'il y a vraiment un intérêt dans mon coin puis que les gens veulent participer. Donc ça, c'est vraiment les gros changements, si on veut, marquants des 20 dernières années sur les différents secteurs. Sinon, ils ont mis en place, à travers l'article, toutes des stratégies pour donner le rythme. Là, on parlait de garder le rythme, là, mais comment on peut donner ce rythme-là? Drop the beat! Yeah! Dans le respect des citoyens, dans le respect du rôle de chacun, des partenaires, des élus et autres, parce que on peut pas arriver et dire ça va fonctionner comme ça puis tout détruire la structure en place non plus. Il faut respecter le rôle de chacun. Premièrement, il parlait de faire toute une veille puis une analyse constante de la composition des pratiques de loisirs. Qu'est-ce qui s'offre? Qu'est-ce que les gens aiment? Qu'est-ce que les gens veulent? De pas juste la faire une fois puis dire c'est bon pour les 10 prochaines années, on sait ce qu'ils veulent. C'est en constant... il faut que tu sois constamment à l'écoute, constamment... il y a des nouveautés qui sortent à tout moment. Regarde ce qui se fait ailleurs, regarde ce qui se fait dans les grandes villes, regarde ce qui se fait dans le village d'à côté. Sinon, les gens vont juste partir. Faut que tu sois à jour. On veut garder le rythme, mais on veut pas perdre le rythme non plus. Donc, d'avoir une analyse constante de qu'est-ce qui est offert et qu'est-ce que les gens aiment. De mettre en place toutes les consultations entre les élus, les partenaires, les citoyens, que ça arrête d'être toujours les mêmes qui décident. C'est beau dans ton bureau si tu décides, mais s'il y a personne qui vient participer après, si ton colisée te coûte vraiment cher, mais que finalement, tu n'as jamais les spectateurs pour le rembourser. Tu n'es pas plus gagnant non plus. Mettons qu'on met ça à Trois-Rivières. Mettons! Puis que c'est pas mal de même. On invente des affaires. On dit ça de même. Non, mais toute ressemblance est hasard. Exactement. Sinon, il faudrait mesurer constamment aussi la satisfaction des gens. T'as regardé ce qui se faisait, t'as regardé les participations, mais c'est parce que oui, ils se sont inscrits cette année, mais est-ce qu'ils vont se réinscrire l'année prochaine? Ouais. C'est une chose aussi. Peut-être qu'ils se disent, je finis mon abonnement parce que je l'ai payé, mais je reviens plus parce que ça me convient pas. Des fois, le monde, il parle pas fort, mais c'est juste à l'interne, puis ça s'en va peu à peu, puis là, tu te ramasses mal pris. C'est pas là que tu commences ton sondage, ils veulent plus rien savoir de ton sondage. Ouais. Il y a ça. Il y a aussi, comme tout le secteur recherche, qui avait une grande ouverture de la part des professionnels en loisirs, de dire comment est-ce qu'on peut transformer cette connaissance-là côté pratique. Maintenant qu'on sait ce qui se passe, comment on le met en place, d'arrêter de se prendre pour des chercheurs alors qu'on n'en est pas, d'aller chercher des spécialistes qui vont pouvoir t'indiquer les grandes lignes à utiliser puis après de les appliquer. De faire des concertations entre les associations qui se voyaient comme des compétiteurs entre eux, puis comment est-ce qu'on peut rediviser les choses, comment est-ce qu'on peut s'aider, comment est-ce qu'on peut collaborer. toi, tu as un bassin de monde pour cette activité-là. Moi, j'ai le matériel pour, on peut partager nos locaux. Juste ça, ça fait une division des coûts. Puis de faire des recommandations dans les conseils municipaux, parce que c'est eux, comme on disait, qui avaient un impact via les élus. Donc ça, c'est la porte d'entrée pour le citoyen, du monsieur, madame, tout le monde, d'aller parler aux élus. Tu peux pas cogner à la porte de l'élu et dire « Bonjour, monsieur l'élu, j'aurais quelque chose à vous dire. » On va dire « T'es qui, toi? » Il y a ouais. pas le temps. Tu vas parler à ses 8 secrétaires avant. Tu dis « C'est lui? » Élu, c'est lui. Comment? Alors que si tu vas au conseil municipal, t'as ton droit de parole, t'as une plus grande facilité à avoir accès direct à lui, mais via ça. Sinon, comment est-ce qu'on peut garder le rythme une fois qu'on l'a donné, une fois qu'on a mis en place toutes les stratégies pour le développer puis le garder à long terme? C'est vraiment de renforcer le leadership aussi des différents services autour, d'arrêter de considérer que tu as un service puis que les autres en découlent, mais de donner une force de responsabilité à chacun. Quand tu as une responsabilité, tu peux te permettre de plus développer. De aussi respecter les offres territoriales. On a du local, on a du régional, on a des associations. Donc, d'y aller vraiment par étapes pour pas prendre la place de personne. Puis, pas mal ça. Offrir de la pratique libre en fonction des attentes des gens. Si on voit que c'est ça, ben développons des espaces pour qu'ils puissent pratiquer. Ben, s'il n'y en a pas, ils pratiqueront juste pas du tout. Parce que on ne dit pas, ben là, ils veulent de la pratique libre. Si je fais rien, ils vont venir à mes cours. C'est pas de même, ça fonctionne. Les cours ne conviennent pas. Réponds à ses besoins en mettant en place les différents éléments. Puis, ça terminait l'article en disant... Si on perdait le rythme, qu'est-ce qui arrivait? Mm-hmm. Puis, j'ai aimé comment il l'abordait encore une fois. Il disait que le système traditionnel qui était le loisir organisé, le loisir sous forme de cours, était déjà un peu désuet. Oui, ça, on peut pas l'enlever totalement. Ça répond encore aux besoins de certaines personnes pour une clientèle aussi plus âgée qui a grandi dans cette façon de faire. Ouais. Exactement. Tu peux pas leur enlever leur point de repère. Mais ça, c'est ce qu'on peut appeler le système traditionnel vu qu'on est passé à une autre phase. Faut passer à un mode crémeux. Oui, comme au Saint-Hubert. C'est ça. Oui. Oui. Oui. C'est même que ça s'appelle, ça le dit dans l'article. Ben oui, t'as bien fait ça. Dans l'article, ça disait ça. Dans les annexes, dans les notes de bas de page, dans les références. RPV. Référence Saint-Hubert. Mais ça disait que le système traditionnel était présentement hors rythme puis qu'il fallait vraiment s'adapter. On avait aussi perdu une partie des budgets qui étaient tombés dans le secteur communautaire et non plus juste au service des loisirs. Alors, est-ce que c'est ça qu'on veut? Si ça correspond aux nouvelles attentes des professionnels en loisirs, alors là, go, on était dans cette optique-là. Mais si ce ne l'était pas, on était dans cette direction-là. Alors comment est-ce qu'on pouvait le rattraper maintenant, qu'il fallait le faire vite et maintenant? Moi, je trouvais ça aussi intéressant de faire un parallèle avec la Société des loisirs. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler dans vos cours d'histoire ou autre, là, mais dans les années 80, ils annonçaient une Société des loisirs. Ils disaient, tu sais, quand il y a eu la phase de révolution industrielle à un moment donné, là, ils ont dit dans les années 80, vous allez voir dans les prochaines années... La place du loisir va tellement exploser. Là. Ça va être... Tu travailles 3 jours, tu as 4 jours de vacances. Ben oui. Tu vas avoir plus de temps pour toi. Tu sais, ils voyaient vraiment ça comme une société qui s'en venait dans une façon de faire. Je sais pas comment ils voyaient ça, mais ça n'a pas fonctionné pendant tout. Là. Mais ils ont vu ça arriver. Il y a eu un changement, il fallait qu'ils se réadaptent. Mais c'est un peu le même principe aussi. Là. Les cours fonctionnaient, il y a un changement. Maintenant, il faut se réadapter. C'est de la pratique libre, c'est des autres attentes. On parlait des gens les plus exigeants aussi il y a 2 semaines. Donc, c'est vraiment de toujours être à l'écoute pour bien respecter ce besoin-là. C'est un peu comme en enseignement, si tu réformes pas... Tu sais, si les réformes avancent, mais que le professeur reste avec son ancienne réforme, oui. Il est pas plus adapté à sa nouvelle clientèle de jeunes qui a changé aussi avec les années. Voilà. Est-ce que... moi, j'ai comme une question. Est-ce que toi, personnellement, tu penses qu'en fait, on en fait assez la promotion? Tu sais, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je jouais au soccer... pour l'association de Trois-Rivières, sauf qu'on voit jamais de publicité de cette association-là. Moi, je pense que tu vois pas de pub radio ou de pub télé pour dire... C'est seulement le bouche à oreille. C'est ça, si t'as le goût de venir jouer au soccer, là, on est là. Ouais. Mais ça dépend, peut-être que le créneau du loisir n'a pas décidé de passer par les médias radio, télé ou autre. Peut-être qu'il se dit, via ma programmation papier que j'envoie à l'ensemble des maisons, c'est comme ça que ça répond. Est-ce qu'ils ont déjà fait une étude là-dessus? J'en ai aucune idée. Moi, je pense que ça peut toujours être plus vu, toujours plus entendu. On l'a dit dans cet article-là, on est porteur du rythme, on est influent, on joue un rôle dans le développement du jeune, dans les saines habitudes. On n'en parle jamais trop, c'est aussi l'équilibre du monde. En même temps... Si on dit qu'on a un équilibre travail-loisir, on fait pas plus d'annonces de travail dans la vie, à la radio puis à la télé, tu sais. Où est-ce qu'on se situe? C'est pas une publicité, c'est pas un produit, c'est un service. Et si tu l'annonces trop, est-ce que tu vas avoir trop de monde et pas assez de budget et de gens pour surveiller ces gens-là? peut-être qu'il va y avoir trop de monde qui vont s'inscrire au soccer. Fait faut peut-être qu'ils ont exactement le bon nombre de gens avec les méthodes qu'ils utilisent. Parce que c'est ça le côté. Contrairement, mettons, t'achètes ton bâton de hockey au Canadian Tire, ils vont te vendre le bâton dans le... Mm-hmm. Dans le circulaire, là, c'est un service, c'est tellement pas palpable, il faut que tu t'inscrives à un cours. Ça serait à revoir les méthodes de communication, mais moi, je pense qu'on pourrait en parler plus, c'est certain. Mais c'est surtout de parler plus des bienfaits et de pourquoi ils devraient en faire que juste des services offerts. Une fois que tu es convaincu qu'ils doivent prendre du temps pour eux, qu'ils doivent prendre du temps pour bouger, après ça, ils vont dire « OK, mais comment? » Là, ils vont aller chercher les voies pour. Le loisir, là, c'est comme un petit oiseau qui veut prendre son envol. Ouais, c'est comme un loisillon. Un petit oisillon, mais avec loisir dedans. Oui. C'est un petit jeu de mots. J'essaie de le placer. Et que t'es pas bon public à matin. Ben oui, je suis un excellent public à matin. C'est, oui, oui. Ben oui. Tout est un excellent public. Ben c'est ça. Essaye pas. Merci, Marie-Laurence. C'est plaisir. C'est pas vrai, en fait, au début de la colle que tu m'avais volé mon crayon. Ouais. Rectification. Pour ceux qui étaient là il y a une heure. Ouais, c'est ça. On se quitte. Merci Marie-Laurence. On te retrouve dans deux semaines, les mardis à 8h. Et étant donné que t'es pas une menteuse, je t'offre Metric avec Lie, Lie, Lie. À son la jockey. To be sedated, to be seen on the cover of your magazine. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. If it happened, it was meant to be. Got me over bottom me for free. Now I'm so sedated and serene on the cover of your magazine. The question no one wants to ask themselves. Make it in the movie, make me the director's pet. Everybody told me take whatever you can get. Everybody told me take whatever you can get. Rage against the dying of the light. Baby, you'll be safe with me. Rage against the dying of the light. Holding up a tattered dream. Rage against the dying. Rage against the dying of the light. Questions no one wants to ask themselves. Make it in the movie maker, the director's pet. Your mother and your father want to see you on the TV set. Everybody told her, take whatever you can get. Magic Lie Lie Lie. Et ça, j'aime cette chanson-là comme j'aime mon pain. Hein? Ah, lie lie lie. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. La première nouvelle qui est sortie aujourd'hui, en tout cas celle qui m'a frappé le plus aujourd'hui, c'est celle de Pierre Huet, ce membre fondateur de Beau Dommage. Moi, je l'ai connu aussi avec la revue Cro. C'est un parolier, un artiste finalement. Mais bon, cet homme, Pierre Huet, veut échanger 25 000 migrants hein, contre 10 animateurs de Radio de Québec. Moi, je trouve que l'idée est génial. Donc, un des fondateurs de Beau Dommage a émis une déclaration qui a fait des vagues en suggérant d'échanger 25 000 migrants syriens contre 10 animateurs de Radio de Québec. Par l'entreprise de sa page Facebook, il a publié cette déclaration lundi, causant quelques réactions sur les réseaux sociaux. La majorité des gens ont commenté le statut exprimant leur accord avec ce rédacteur en chef du défunt magazine d'humour Cro ou Croc, comme vous voulez. On peut lire entre autres « Bonne idée sur tous les Radio X et à qui » Martineau s'est joint. La trash radio, c'est assez, ce n'est pas de la culture et j'appuie. Cependant, quelques-uns n'étaient pas d'accord avec les propos tenus par Huet. Baser son raisonnement sur un seul exemple n'est pas scientifiquement valable et n'est pas réfléchi. Peut-on lire notamment « Hey, c'est un imbécile celui qui a écrit ce commentaire-là » Parce que Pierre Huet, là, c'est un peu comme un gag ce qu'il nous dit. Hein? La personne... Il prend ça, là, baser son raisonnement sur un seul exemple, ce n'est pas scientifiquement valable et pas très réfléchi. T'es un imbécile. Certains qui ont partagé la publication ne sont pas allés de main morte dans leurs propos. On dit souvent que le monde de Québec sont caves, mais je pense que lui, tout seul, il bat des records. Moi, je dis, on envoie des CD de Beau Dommage au ISIS. Ils vont tous vouloir se tuer entre eux après ça, tellement ils s'endureront plus. On voit tout de suite, la personne est très, très lettrée. C'est ce qu'a déclaré un internaute. Pierre Huet, fondant en 72 en compagnie de Michel Rivard, le groupe québécois Beau Dommage. Il est l'auteur de grands succès de la chanson québécoise comme 23 décembre ou Le temps d'une dinde et un million d'autres track, un million d'autres pistes que vous connaissez sûrement de Pierre Huet. Mais là, moi, les gens qui sont fâchés de ça, vraiment, tu vois tout de suite leur grandeur d'âme puis leur intelligence. Fait que continuez d'écouter vos radios à Québec. Sinon, par rapport au G20, eh bien, c'est une vidéo qui est vraiment drôle, qui est sortie. C'est des chats errants qui ont volé la vedette à Obama ainsi qu'à Poutine durant le V20. Le V20. Wow! Le V20. C'est pas loin, hein? C'est pas loin de ce qu'il fallait pas dire. Donc, le G20, oui, qui avait lieu en Turquie, je crois, oui. Donc, c'est ça. C'est d'intrépides chats abandonnés ont contourné les hautes mesures de sécurité en place au sommet du G20 qui s'est tenu en fin de semaine à Antalya, en Turquie. Comme l'a rapporté le New York Post, eh bien, les félins n'ont pas eu froid aux yeux. Ils sont allés d'une gracieuse apparition de quelques minutes sur la scène précédemment foulée par d'importants leaders mondiaux comme le président des États-Unis, Barack Obama, ainsi que son homologue russe, Vladimir Poutine. Dans la vidéo d'une minute publiée dimanche sur YouTube, il est possible de voir les trois minets sortir du décor et se dandiner tranquillement sous les drapeaux des pays membres des groupes du G20, poussant quelques miaulements. Le court extrait a été visionné plus de 46 000 fois déjà en date d'aujourd'hui. La Turquie est d'ailleurs connue pour ses nombreux chats abandonnés, comme l'ont souligné quelques autres internautes sur Twitter. « C'est la chose la plus turque que j'ai jamais vue », a justement écrit un utilisateur. Bien sympathique, bien drôle tout ça. Je vous envoie maintenant 5 choses étonnantes que vous ignorez sûrement sur votre corps. Première chose à aller jaser ici, c'est la croissance des ongles qui est assez étonnante. Avez-vous cette impression que vos ongles poussent moins vite que ceux de vos doigts? OK, vos ongles d'orteils poussent moins vite que ceux de vos doigts. Eh bien, vous avez raison. Qui est plus long de votre majeur pousse plus vite que celui de votre index et ce dernier pousse plus vite que celui de votre pouce. En fait, plus une phalange est longue, eh bien, plus son ongle croît rapidement. Étrange, une raison de logique, mais plutôt loin de nos priorités quotidiennes, explique cette particularité. S'il vous fallait creuser de vos mains, vous useriez les ongles de vos doigts longs en premier, d'où leur vitesse de croissance qui est plus rapide. Donc, hein, on avait besoin de servir de nos ongles à l'époque pour creuser. pour aller essayer de se trouver des petits insectes, des petites larves et autres petites créatures à l'intérieur de la terre. Sinon, autre truc que vous ignorez sûrement sur le corps humain, sur votre corps finalement, eh bien, ce sont des os indépendants. En général, les os sont articulés entre eux. On plie le biceps, on plie le biceps, l'humérus et le radius bougent. OK, on plie le biceps, le muscle, c'est ce que je me disais. Parce que là, plier le biceps, c'est pas un os, mais c'est parce qu'il fallait que je comprenne. Donc, on plie le biceps, l'humérus et le radius bougent réciproquement. Or, dans la bouche, l'os hyoïde, aussi appelé l'os lingual, gère en toute autonomie tout ce qui influence la voix et la déglutition. Un électron libre rarissime dans le système qu'est le corps humain. Donc, c'est un os complètement indépendant. Des os de plomb. Fragiles les os, pas du tout un bloc d'os de la taille d'une petite boîte d'allumettes à la force de soutenir 9 tonnes, ce qui est 4 fois plus que la résistance du béton. Une bonne raison de boire son verre de lait. Alors... Et la puissance de la langue maintenant. La langue, c'est 17 muscles en pleine action, sans attache osseuse. Il s'agit d'un organe de type hydrostate musculaire, le seul du corps humain. Libre de contraintes osseuses, la langue peut changer de forme à sa guise sous l'effet de contractions musculaires sans jamais changer de volume. Le résultat est un outil puissant et flexible qui aurait même le potentiel de soulever un arbre si elle était assez grosse. Pourquoi cette comparaison bizarre? Eh bien, parce que la trompe de l'éléphant est un autre exemple d'organe hydrostate musculaire. La taille de la langue, avoisinant les 9 cm, la rend toutefois moins polyvalente, bien sûr, que la trompe de l'éléphant. Et puis, sinon, on y va avec ces démesures à grandeur humaine. Si on alignait les capillaires des poumons, un à la suite de l'autre, ils s'étendraient sur une distance de 2400 km. Les reins filtrent 1,3 litres de sang par minute et au cours d'une vie, on perd 18 kilos de peau. 25 millions de cellules naissent chaque seconde dans le corps humain et le sang parcourt environ 100 000 km par jour dans notre corps. On produit plus d'un litre de salive et on respire 2 millions de litres d'air quotidiennement. On respire 2 millions de litres d'air chaque jour. Effectivement, c'est des choses assez étonnantes qu'on ignore sur notre corps humain. Hein? Et rentrons justement dans ce corps humain et dans ces mystères. Je vous envoie ici quelques faits étonnants de gens qui ont sorti du coma avec de nouveaux talents. Eh bien oui, il arrive parfois que des gens plongés dans le coma se réveillent avec... des nouvelles aptitudes, comme la maîtrise d'une nouvelle langue, ou on se met à être musicien, ou on se met à être un peintre, ou autre. Donc, je vous envoie ça tout de suite. Parler mandarin. Après un grave accident de voiture, un Australien s'est réveillé d'un coma en parlant couramment le mandarin, et ça, sans accent, s'il vous plaît, que ses quelques cours à l'école secondaire ne pouvaient expliquer. Depuis, eh bien, Ben McMahon tire profit de son talent spontané en animant des émissions en mandarin et en faisant des tours guidés de sa ville natale aux touristes chinois. Dans ce temps-là, tu es content d'avoir été dans le coma, hein? Développer aussi une mémoire visuelle phénoménale, c'est Franco Magnani, un Américain d'origine italienne, qui s'est remis d'une forte fièvre et de crise de convulsion avec une mémoire visuelle incomparable et désormais un talent inné, ben maintenant inné pour la peinture. L'homme s'est tout à coup mis à peindre au détail près des paysages de son enfance dans le village qui avait vécu dans le village de Pontito, sans aucun support visuel et le résultat est stupéfiant. Aussi, après des épisodes de coma, on pourrait devenir un as de la géométrie. En 2002, à la sortie d'un bar, Jason Padgett se fait voler et se fait battre violemment. Subissant une sévère commotion cérébrale, eh bien, les médecins lui ordonnent alors d'aller se reposer chez lui. L'Américain passera 3 ans cloisonné, croyant devenir fou à force d'halluciner à répétition des formes géométriques autour de tout objet. Il lui est alors venu l'idée de les dessiner. Ceux qui les ont vus ont été jetés par terre. Les formes étaient en fait des figures fractales saisissantes qui exigent une maîtrise des mathématiques et de la physique carrément géniale pour réussir à les coucher sur papier. Donc, devient un as de la géométrie fractale. Et ici, un autre qui a renaît en tant qu'artiste accompli. À 35 ans, John Sarkin subit une opération au cerveau lors de laquelle on lui a carrément enlevé un morceau. Hein? Ben oui, on appelle ça une lobotomie. L'homme qui n'avait rien d'un artiste s'est ensuite réveillé de la table d'opération en n'ayant qu'un seul désir et qu'un seul besoin, de dessiner finalement. Et ça frôlait presque l'obsession. La beauté de ses œuvres lui a valu une reconnaissance immédiate et lui assure depuis une vie plutôt confortable. Ben chanceux de ton coma et de ta lobotomie. Bonne lobotomie, mon cher. Et puis, tiens, on se finit ça avec ce top 10 des films d'animation pour adultes. Eh bien oui, à l'image de la bande dessinée, le cinéma d'animation a longtemps eu la réputation de ne s'adresser qu'aux jeunes enfants. Pourtant, le médium a atteint l'âge de la maturité depuis belle lurette, comme le prouvent ces 10 films d'animation qui conviendront surtout aux personnes majeures et vaccinées. Première suggestion, oui, eh bien, c'est la version originale Heavy Metal ou Metal Hurlant. Hein. Metal Hurlant présente 8 histoires différentes s'articulant autour d'un orbe maléfique, le Loch Nar, dans lesquelles violence, science-fiction, déjantée, femmes en tenue légère et musique de Black Sabbath, de Journey ou de Devo sont à l'honneur. En appliquant la philosophie du sexe, drogue et rock'n'roll, ce film de 1981 s'est mérité une place de choix parmi les pionniers de l'animation pour adultes. Sinon, le film 9. Dans un monde post-apocalyptique où l'humanité a été complètement décimée, des poupées de jute activent une machine par erreur qui se met à fabriquer des robots terrifiants à partir de détritus trouvés dans les ruines de la civilisation. C'est une genre de version sombre et mature de Wall-E. Cette fable sur l'âme humaine n'est pas pour les tout-petits, même si ceux-ci peuvent en apprécier l'esthétique unique. Mais c'est quand même à voir. Interdit, là, c'est pas à ne pas voir avec les enfants, comme le prochain film que je vais vous parler, celui-là, disons qu'on laisse faire d'écouter ça avec les kids. Je vous parle de Akira. Eh bien oui, célèbre film, un classique de l'animation japonaise. C'est prenant place 30 ans après la Troisième Guerre mondiale, Akira raconte comment Tetsuo, un jeune motard se découvrant des pouvoirs surhumains suite à un accident, deviendra une menace pour la ville futuriste de Neo-Tokyo, déjà déchirée par les soulèvements populaires. À lui seul, ce classique de 88 est responsable d'avoir initié l'Occident au monde des mangas. Effectivement, moi c'est avec ça que j'ai connu les mangas. Avant ça, je savais à peu près même pas que ça existait. Et puis, j'avais vu ça lors d'un festival, le festival Fantasia, je crois. T'es allé voir ça, c'était hallucinant. On était dans un cinéma à Montréal, mais un cinéma qui, d'habitude, joue des films pour adultes, dans le sens des films à écouter d'une seule main, là. Et puis, c'était très étrange d'avoir un film d'animation. Au début, nous autres, on pensait à un film comme pour enfants. Mais non, il y avait un gars avec nous qui était vraiment un connaisseur, lui, de films, de manga et tout ça. Et puis, il nous avait initié à ça. Disons que c'est un choc la première fois que tu vois ça. Des filles qui se... C'est-tu dans ça, je pense? Oui, il y a des passes de sexe assez terribles là-dedans. En tout cas, on continue avec une autre suggestion pour des films d'animation pour adultes. Je vous parle de Fritz le chat. Hein? Ou la version originale, Fritz the Cat. Par le biais de sa ménagerie d'animaux au comportement trop humain, la légende de l'animation Ralph Bakshi, dresse un portrait éclaté de la contre-culture des années 70 dans Fritz le chat, alors que la défense générale et les orgies de la période hippie cèdent peu à peu la place au mouvement des Black Panthers, à la violence sociale, aux attentats à la bombe. On est loin du monde merveilleux de Disney ici. Sinon, autre film absolument à voir pour si vous êtes un adulte ou quelqu'un d'averti et que vous aimez les films d'animation, eh bien, c'est Animatrix. C'est la matrice qui est largement influencée par l'animation japonaise en général et le film Ghost in the Shell en particulier. Il est donc pas surprenant que les Wachowski aient retourné l'ascenseur avec Animatrix. Une anthologie de 9 histoires étoffant l'univers des longs-métrages réalisés dans une variété de styles, de la 3D au rendu photoréaliste en passant par le manga plus traditionnel. Animatrix, en plus, moi, ce que j'aime de cette œuvre, mais c'est dans le fond plusieurs petites œuvres, c'est quoi? C'est 9 histoires. Eh bien, c'est la bande sonore de ça est extraordinaire. Vraiment, il y a de la... Ça déchire, comme on dit. Autre film qui déchire ici, côté animation pour adultes, eh bien oui, South Park, plus grand, plus long et sans coupure, ou si vous aimez mieux, Bigger, Longer and Uncut. Le nom ici en anglais est vraiment plus drôle, hein? Bigger, Longer et Uncut, c'est, ouais, la traduction littérale, plus grand, plus long et sans coupure, mais ça serait plutôt plus gros, plus long et non circoncis. Hein? c'est ce que ça veut dire. Là, ben oui, parce que c'est South Park. Donc, la série télévisée a toujours poussé les limites de l'humour et du bon goût, mais les créateurs se sont encore surpassés avec South Park, plus grand, plus long et sans coupure, Guerre contre le Canada, chanson crue dont l'inoubliable Uncle Fucka. Ben oui. Et relations homosexuelles entre le diable et Saddam Hussein. Ce film est si décapant que même les adultes pourraient le trouver peut-être inapproprié. Mais ça, c'est si vous avez vraiment l'âme très sensible. Si vous avez un bon sens de l'humour, vous allez vous bidonner. Persepolis, pardon, autre film d'animation pour adultes à voir, malgré l'apparente simplicité de ses dessins en noir et blanc. Persepolis vous fait revivre la révolution iranienne de 78 à travers les yeux d'une fillette aimant Bruce Lee et la musique métal qui verra tous les aspects de sa vie réglementée par l'arrivée au pouvoir du régime religieux instructif et touchant. Ce film biographique de Marjane Stapi est un must pour tout adulte qui s'intéresse à l'animation. Moi, ça, je ne l'ai pas vu, puis c'est sûr que je vais aller voir ça sur mon écran d'ordinateur. Persepolis. Et puis ça, c'est ça, c'est bon aussi, hein, en ce moment, dans les tensions qu'on a, de voir que le monde arabe n'a pas toujours été aussi extrême. Ça fait seulement une trentaine d'années que ce retour du balancier est venu, parce que dans les années 50, 60, même 70, le monde arabe se libérait, on s'ouvrait et on était ouvert sur le monde. On faisait un peu comme partout, hein, c'était les révolutions tranquilles un peu partout et c'était pas violent, c'était simplement de se libérer un peu de la connerie humaine. Et puis, ça c'est en 78. C'est pas là. C'est justement, c'est en 78, la révolution iranienne, alors qui est venue tout changer. Paprika, autre film d'animation pour adultes à voir, c'est lorsque la DC Mini, une machine capable de pénétrer dans les rêves d'une personne et de les transmettre dans la tête d'une autre, est volée. C'est un simple détective qui reviendra à la tâche d'empêcher le monde des songes d'envahir progressivement la réalité. Avec son étrange enquête teintée de surréalisme, Paprika peut facilement se qualifier de pendant animé du Inception de Christopher Nolan. Donc, un film est quand même assez étrange à voir. Et moi, c'est en tout cas, ça m'intéresse de découvrir ce film. Scanner Darkly. Ça, j'ai déjà vu ce film-là, puis c'est vraiment étrange. Ce film d'animation met en vedette, entre autres, Keanu Reeves, Winona Ryder, Robert Downey Jr. et Woody Harrelson. Scanner Darkly utilise la rotoscopie, une technique d'animation qui consiste à dessiner directement sur la pellicule pour créer une version altérée de la réalité, ce qui s'y émerveille à cette lente descente dans l'enfer de la drogue inspirée d'une nouvelle de Philip K. Dick. Mais maintenant aussi, on peut faire ça simplement en mettant un filtre animation sur votre vidéo et ça c'est pas loin. Sérieux, on n'est pas loin de ça. Autre film d'animation pour adultes à voir, eh bien, ça va être le dernier de cette liste, c'est Vals avec Bachir. C'est le réalisateur Harry Fullman qui plonge dans ses propres souvenirs personnels pour retracer les événements de la guerre du Liban en 82 et le massacre de Sabra et de Shatila auquel il a participé en tant que simple soldat. Avec son magnifique style visuel et son propos aussi politique que poétique et autant d'actualité encore, Vals avec Bachir démontre hors de tout doute qu'aucun sujet n'est trop adulte pour un film d'animation. C'était les 10 films d'adultes ou films d'animation pour adultes à voir absolument dans une vie. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Est-ce qu'on est prêt à commencer ça? Je pense que oui, mon beau Mathieu. Ah, oh, ben, quand que t'es fine. Oh, tabarouette, les compliments matin. Ça arrête pas. Woo! Voici Alexandrine Pichessir et les précieuses découvertes. Les précieuses découvertes. Alors, bonjour Trois-Rivières. Bonjour. J'aime ça dire ça à chaque fois. Ça va bien? Très bien. Je vous ai pas trop manqué? Un peu beaucoup, en fait, même. On veut t'avoir plus souvent. C'est dommage de t'avoir juste aux deux semaines. Ah, oh, ben c'est gentil, mais c'est parce qu'écoute, même aux deux semaines, j'ai de la misère à arriver, tu sais. Ouais. Parce que là, présentement, je suis en représentation théâtrale. Théâtrale à la salle année, ça aussi. Bref, j'ai quand même travaillé pour essayer de vous trouver des petites découvertes, mais ils se sont surtout faites hier, parce que hier, je suis allée souper chez ma maman. Ah. Ça faisait très longtemps que je suis pas allée. C'était un beau moment agréable et j'ai découvert plein de choses. Ah, c'est fun. Parce que ma mère et ma tante habitent ensemble et ma tante est la dame que je connais qui c'est vraiment une vraie précieuse, puis elle découvre plein de choses. Ah. Fait quand je vais, je peux rapporter plein de trucs. Mais, soit disant, ça va être un petit peu plus loin dans la chronique. Okay, okay. J'aimerais ça commencer parce que ce matin, je me suis levée puis j'étais pas de mauvaise humeur, mais comme vous deux, là, je suis tannée, je suis fatiguée, puis genre, je me suis levée à 6h30, puis bleh. Bref, puis là, je suis arrivée à la chasse-galerie pour acheter mon café, puis il y avait une chanson qui jouait. Ça m'a comme hors-kinké un petit peu. Fait que je me suis dit que si on la mettait, ben ça, peut-être que ça va pouvoir mettre heureux les gens qui nous écoutent dans leur voiture. C'est un classique, je n'ai absolument rien découvert. Si je vous dis que j'ai découvert ça, je suis une menteuse ou vraiment une fille qui connaît rien à la vie. Genre moi. Je t'assume. La chanson, ah, c'est un classique, c'est la chanson Dixie du groupe Harmonium. C'est tout simple, mais mon Dieu que t'as envie de sourire puis que voir la vie à travers des lunettes jaunes. Alors, je vous souhaite de bien boire votre café. Écoutez ça, soyez heureux et on se retourne. On se retrouve. Tout de suite après. C'est quoi ta toune qui me revient dans les oreilles tout le temps? C'est moi, j'ai plus le même temps comme avant. Plus le temps comme avant pour remplir mes oreilles. Dis-moi, c'est quoi ta toune qui me revient comme le soleil tout le temps? Quand tu viens, c'est jamais pour longtemps. Et comment ne pas être heureux? Écoute, dans le studio, on danse. Mathieu me fait faire une portée pis tout. Ben ah, oui. Wow, ouais, vous auriez dû voir ça. C'était comme, on dansait de rock'n'roll. C'est la comédie musicale du matin. C'est fou. C'était une vue imprenable. C'est fou. Hey, c'est fou. OK. Bref, revenons à nos moutons. Mes découvertes familiales, on peut dire. Alors, je suis allée à la maison et je vais vous présenter. C'est un petit cup, comme ça, vous voyez pas, mais c'est un petit cup. Un petit plat, petit pot. Exact. Et c'est de la salade de poulet aux canneberges et aux amandes. Ah. Mmh. On peut-tu dire qu'il y a de la protéine là-dedans? Mais oui. Et c'est vraiment bon. C'est en petit contenant. C'est vraiment pas gros. Comme un yogourt, à peu près. Oui, exactement. Ouais, c'est un vrai, comme au début, je pensais c'était un yogourt. Mmh. Mais non, c'est une salade de poulet et canneberges aux amandes. Alors, on prend comme un petit cracker, sans gluten de préférence. Ouais. Et là, on peut manger ça. C'est une excellente collation. Mmh. C'est peut-être c'est pas si gras. Et c'est vraiment plein de protéines. Alors, on est bourré quand on a une petite fringale. Puis c'est comme un heureux mélange de sucre, de fruits, de... Mais ça se voit souvent, hein, poulet canneberge, surtout en salade, justement, ou dans les... Ouais, les sandwichs. Ouais. Imagine mettre ça entre deux pains ciabatta. C'est vraiment très bon. Puis c'est en vente chez Costco. Donc, c'est de la compagnie Good Food. Fallait ça voir... dit que c'est bon, dedans. Ouais. Ben oui, c'est ça. Fais les suivre sur Facebook, Instagram ou Twitter au Good Food Groups. Foods avec un S. Sinon, www.goodfoods.com. Cool! Voilà! Et c'est vraiment bon, pour vrai, goûtez-y. Hey. Sinon, ma tante a fait une lasagne sans gluten, sans viande. Viande, exactement. Mm. C'est vraiment bon. Je vous explique un peu, c'est tout simple. Dans le fond, vous prenez votre plat de lasagne. Dans le fond, vous faites une couche de quinoa. Ah! Une quand même assez épaisse couche de quinoa. Après ça, vous mettez des légumes. Elle avait mis zucchini et champignons. Excellent choix. Pour moi, parfait. Pour Tania qui aime pas les champignons, un peu moins bon. Ah, oh, c'est si bon. Mais sinon, tu peux mettre des carottes. Ouais. Tu peux mettre ce que tu veux. Ensuite, alors, une couche de quinoa, une couche de légumes, la sauce, une autre couche de légumes et on gratine le tout. Miam! Alors, sans gluten. Mais le quinoa, est-ce qu'il reste solide quand même? Quand même assez. Ouais. C'est sûr que c'est pas la lasagne qui se tient le mieux de l'univers, on va se le dire. Mais vraiment, ça a de l'allure. Ça m'a quand même étonnée. Puis t'en manges. Puis c'est quand même bourratif. Tu sais, t'as plus faim après, puis c'est bon, puis c'est pas gras. Je suis persuadée que c'est meilleur que la lasagne végé d'hier! J'étais pas sûr si j'y allais, mais ouais, à quelque part. Eh moi j'y ai été, finalement, j'ai végé, plus longé. Moi j'adore les lasagnes végé habituellement, okay. D'épicerie, tu sais, mettons. Mais là. De la cafétéria, moins. Est-ce qu'il y a des choses bonnes à la cafétéria? Ouais. Mais honnêtement, hier, on se posait la question, quel était le fromage sur la lasagne? Parce c'est que pas ça le fromage qu'on connaissait. C'est peut-être du fromage, tu sais, du fromage en tranche, là. Ah ben non, mais on voyait qu'il avait été râpé, à moins qu'il ait râpé le fromage en tranche, là. Mais il goûtait la compote de pommes. Ouais, ouais, ouais. Oh. Bizarre. On était vraiment en questionnement, Mathieu et moi. La prochaine fois, on la prendra peut-être pas. Ouais, peut-être. Hein? Mais quinoa, est-ce que c'est croustillant? Est-ce que c'est mou? Ça devient comment? C'est la texture du quinoa normal. Il y a comme... C'est dur à dire, la texture du quinoa. Il y a comme un petit crunchy, mais un petit crunchy chic, mettons. Ouais, un crunchy. Pas trop. T'sais, ça fait pas scrunch-crunch dans la bouche, mais t'as comme juste un petit pop d'amusement. Oh, c'est si bien dit. Pas de crunch, mais un pop. Si jamais vous cherchez des descriptions de quelque chose, appelez Alexandrie. Ou une machine à effet sonore. Crunch, pop. Crunch, pop. D'amusement. Bref, c'était tout pour la partie culinaire. Alors maintenant, nous allons à la partie esthétique. Ouh! Esthétique! Alors, deux petits produits que j'ai découverts étant donné que je suis en représentation théâtrale. On va le dire, là, t'es dans La Dame aux Camélias. Exactement. Ce soir. Oui, ça c'était... j'avais oublié que je jouais ce soir. Mathieu, merci de me le rappeler. Ça me fait plaisir. En fait, deux choses. Premièrement, quand on est comédien, puis n'importe qui se maquille souvent, c'est important d'avoir un bon démaquillant. Tania, je suis sûre que tu es entièrement d'accord avec moi. Ah ouais, clairement. Et étant donné que notre troupe de théâtre est moins bien nantie, ils nous achètent comme des petites lingettes démaquillantes un petit peu cheapy. Ouais. Mais tu sais, c'est bien. Mais moi, ça m'irrite la peau, puis ça me rend folle. Ça sèche beaucoup la peau. Oui, c'est dégueu. Puis en plus, t'as toujours une espèce de ligne d'eyeliner qui te reste même à ça. Donc, je suis allée voir ma pharmacienne préférée et elle m'a conseillé des serviettes démaquillantes Bioderma. Oui! Oui! Pas trop cher. En plus, en ce moment, ils sont en 2-pour-1. Et vraiment, ça vaut la peine. Puis on a la peau douce. Et il y a comme un petit côté exfoliant en plus. Oui, c'est vrai, hein? Oui. Est-ce que tu as déjà essayé l'eau micellaire aussi? Non. Oh! Oh! Mais ça a l'air bon! Ouais, bah, ça enlève tellement bien le maquillage dans le visage, là, avec un petit tampon, là, évidemment. Là. Pas le genre de tampon que toi, tu connais, Mathieu, là, celui qui démaquille, tu sais, les ronds. Là, non, mais là... Je voulais pas dire que tu... Tu te prends pour un NBC? Non, non. Mais j'imagine que les lingettes démaquillantes doivent être dans le même style que ça, doivent être inspirées de tubes. Oui, elles vont vraiment bien. Mais moi, j'aime ça avoir une grosse lingette, là, que je peux y aller partout, là. Parce que les petits tampons, là, c'est comme... Oh, tchou-tchou-tchou. Ah non, mais ouais, je te l'accorde. Hey, je suis bonne dans les sons un matin. Ah, c'était cœur, hein? Tchou-tchou-tchou. Ça mériterait un montage. Ah oui, les sons d'Alex. Oui. Bref, ça. Et mon autre, ma autre découverte cosmétique, c'est le mascara bourgeois. Ah, OK. Lequel? Lequel? Ben, c'est comme le double. Okay. Il y a deux étapes. Parce que moi, mon mascara préféré dans l'univers, c'est le Dior. Oui. Il y en a plusieurs de Dior. Ils vont tous bien, mais genre le Extreme Full Pro. Mm-hmm. Il est débile mental, mais il coûte genre quand même assez cher. Ouais. Donc, j'ai été voir ma même pharmacienne préférée. Puis j'ai dit, est-ce que je peux avoir la même chose, mais dans mon budget? Puis elle m'a proposé le bourgeois, qui va vraiment très bien, mais il y a comme deux, c'est une brosse en deux, c'est compliqué à expliquer. Okay. Faudrait le voir, mais il va vraiment bien. Il fait des espèces de cils faux cils. Je ne l'ai pas ce matin. Tania me regarde les yeux cernés. Je regardais. Non, je ne l'ai pas ce matin. Il est transparent. Écoute, c'est comme si tu l'avais pas. Non, j'en ai pas. Mais bref, il va super bien. Je vous le conseille. Allez vous acheter le mascara bourgeois. Mascara bourgeois. Celui qui est à deux extrémités. Oui, exactement. Deux okay. Petits bouts. Parce que moi, je dois avouer, j'en ai essayé un et j'ai été déçue. Ah oui? Mais c'était pas à deux extrémités. Si je me souviens bien, c'est ça a l'air tu sais, les fioles d'Harry Potter. OK, oui. Toute ma vie tourne autour d'Harry Potter, mon Dieu. Mais ça ressemble vraiment à une fiole d'Harry Potter. Le tube est noir et il y a seulement un bout. C'était pour le volume. J'ai pas tant trippé. Ah, bon. Ça fait des grumeaux. Ugh. Fait que peut-être que celui avec deux bouts, je l'aimerais plus. Oui, parce que comme la première brosse va vraiment aller affiner le style et l'autre va venir mettre le volume. Ah. Mathieu nous regarde et comme... Mm-hmm. Ben, tu sais, tant qu'à dire n'importe quoi, c'est ça, je dis rien. Ben, c'est ça. Ouais. Alors voilà, c'était tout pour la section cosmétique. Et la dernière et non la moindre section, bonheur quotidien. Bonheur quotidien. Alors, on parlait tout à l'heure de matin difficile. Ouais. Je pense que c'est tout le monde. Moi, on dit que c'est dur de se lever. Oui, le mois de novembre est difficile pour tout le monde. Bon. Tu sais, au moins, le mois de décembre, t'as ton chocolat le matin. Oui. Tu sais, ça fait une petite motivation. C'est vrai. C'est vrai, hein. Mais là, hey, sérieusement, tu sais, c'est comme, il fait noir, t'es collé sur ton chum, il fait chaud, il y a de bonheur. Ouais, au moins, t'as ça, toi. Ben, ah, c'est pas, ça, je m'en allais lâcher. Je vais pas être chum, là, mais je sais pas où tu l'as pris, mais moi, je l'ai cherché encore. Mais bref, malgré ça, c'est difficile. Tu prends ta douche, t'es marabout. Alors, je vous ai sorti rapidement, en venant parce que j'étais de mauvaise humeur, liste d'actions et d'idées qui en sortira. Dans le fond, c'est une liste d'idées pour être plus apte et de bonne humeur le matin. Nous allons bien rire, je crois. Alors, commençons. Se lever plus tôt pour profiter des moments calmes. Ouais. Ça, c'est vrai. Admettons qu'il faut que tu te lèves à 9h. C'est cool de se lever à 8h pour prendre le temps de faire ton café, te faire un petit déjeuner, puis tu bois, c'est le fun. Mais quand tu te lèves à 6h30, fuck off, là, je me lèverai pas à 5h30 pour c'est prendre ça. Le temps. Ben, habituellement, je me levais à 6h30 et j'ai commencé à me lever à 6h20 depuis le début de la semaine. Puis mon cerveau sait très bien les poteaux qu'il faut que j'atteigne, il faut que je sois rendu à telle étape de ma journée, à telle heure. Fait que je fais juste étirer plus les étapes en chaque, puis j'arrive à la même heure ici. T'sais. Mais ça, honnêtement, je pense que c'est une affaire de fille, hein, que de prendre son temps le matin. Ouais, tu sais, en même temps, tu fais ton petit café, c'est puis chouchou, tu peux mettre ton beau mascara plus longtemps. C'est ça. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gars que ça leur... T'sais, ça dépend lesquels. T'es-tu indifférent? Je suis indifférent. Moi, il faut que je sois ici à 7h30, je me lève à 6h30. Toi, tu te lèves à quelle heure? Sérieusement, ce matin, je me suis levée à 5h55. Oh, my God. Mais là, tu faisais la grasse matinée. Ouais, j'ai quand même vraiment décidé de rester. Tu sais que j'anime lundi, vous autres? Mais tu sais, quand tu dis de prendre le temps, là, vous devriez voir mon visage. Là. Il est maquillé à grandeur, puis j'aime c'est vrai prendre que mon tellement temps. Précieuse, Tania. Ouais, vraiment. En plus, on partait des précieuses ridicules à deux. Oh, ça je me fais fun. Tout le temps à dire. On serait bonnes. Oui. OK, prochain step. Ça, je suis d'accord, par exemple. Écoutez tel morceau de musique qui vous donnera une énergie incroyable à chaque fois que vous l'écoutez. Un petit peu comme Dixie que j'ai mis ce matin. Mais c'est vrai que mettre une petite toune soleil, ça peut bien réveiller. T'sais. C'est vrai. Même si on est pressé. Ben oui. Après ça, prendre l'air s'aérer. Ah. Quand, mais ça, ça doit pas être pour les Québécois, tu sais. Quand il fait moins 72, ouais. Tu sortirais juste la face pour t'aérer. C'est pas trop long que t'es aéré et tu rentres en dedans. Non, mais ça fait du bien se lever. Moi, je viens à pied au travail, ça me prend 15 minutes environ, puis mm-hmm. ça me fait prendre de l'air, puis ça me met en forme pour la journée. Si j'avais pas ça, probablement que j'arriverais ici assez amorphe. Mais ça, c'est parce que t'es un gars. Parce que quand t'es une fille, ben là, tu sors, tes cheveux frisent, là, t'es tout mouillé, ton mascara coule. Non. Juste le temps de dégivrer ton char, là. C'est correct, c'est bon. Ouais, on a pris l'air. Hein? Alors, en parlant de prendre l'air, Mathieu, je pense que ça serait bon pour toi. Courir un petit 20 minutes en te levant. Hey, ah. Je marche 15 minutes et je vous dévoile un behind the scenes. Je suis tout tremble en ce moment. Moi, je sais. On te fait de l'effet. Non, mais tu sais, pour vrai, je courrais pas, là. OK. Non. Je peux pas mais le non, matin. Mais tu sais, cette température-là, c'est difficile de gérer aussi comment il faut que tu t'habilles si tu marches justement 15 minutes. Ouais. Tu sais, c'est un gros manteau, là, l'humidité va pogner, puis là, tu vas être oui, c'est très honnête, la journée, c'est dégueulasse. J'aimerais ça venir pas de manteau le matin, moi, tellement que j'ai chaud. Ben, fais ça. Essaie-le. Okay. Ouais, que juste un petit hoodie. Okay. Ouais. Sinon, prendre une douche froide. Oui? Oui, oui, oui. Ah, non, oui. Moi, il faut ma douche chaude, là. Ben, moi aussi, mais à la fin. À la fin. Chute d'eau froide. En plus, c'est bon pour les couleurs des cheveux, toi qui te teins. Et fermer les pores. Et ouais, aussi raffermir le corps. Ouh. Puis là, on en parlait tantôt un petit peu. Puis ça, je suis d'accord. Prendre soin de soi, bien s'habiller pour se sentir bien. Mm-hmm. Venir en pyjama à l'école. Ah. On devrait faire ça. Dans le temps de Noël, on devrait tous venir en One Piece. La dernière semaine de l'année. En One Piece tous les jours. Oui. Oui. Oui. Faudrait que je m'achète le One Piece de licorne. Hey, ah. J'en ai vu un dans une vidéo. J'en veux un, moi, ici. Malade. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Comme ce matin, je me suis vraiment habillée vite. Puis c'est comme... Mais quand j'ai en même temps, je prends le temps de mettre une belle petite robe puis me faire ma petite mise en pli. Là, on dirait que ma journée est plus belle. Fait que ça, c'est quand même important. Puis faites-le. Parce qu'on aime ça des gens qui prennent soin d'eux. Oui. Sinon, prendre le temps de faire un vrai petit déjeuner le matin. Fruits frais, œufs brouillés, etc. Oui. C'est long, ça, là. Ça, c'est si tu te lèves à 8, là, tu as le temps de te lever à 6, c'est là, ça. Mais... Oui, c'est ça. Ou que tu le fais d'avance. Un petit peu comme le petit gruau que je t'avais fait il y a un petit... C'est vrai. Des œufs à l'avance, je suis pas certain. Tu veux faire, moi, je fais des œufs à la coque. Ah, ben oui. C'est sûr que ça sent le pet quand t'en prends un. Tu sais, des fois, je suis à la garderie, puis là, j'ouvre mon plat, puis les enfants, c'est comme ça. Est-ce que c'est les œufs qui sentent le pet ou les pets qui sentent les œufs? Mmh, l'œuf ou la poule ou l'argent? Hein? L'argent. Et finalement, pour terminer, se poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me rend fier de moi? Qu'est-ce que j'aime le plus dans la vie? Et quels sont les gens qui m'aiment et pourquoi? Ah, c'est beau. La dernière question, là. C'est, faut que tu aies de l'estime de toi. Hein? Qui sont les gens qui m'aiment et pourquoi? C'est quand d'accord. Tu sais pourquoi ils t'aiment. Tu connais ta personne. Alors voilà, Trois-Rivières, c'était tout pour les précieuses ridicules de cette semaine. Non, je me suis trompée! Oh! Les précieuses découvertes! C'est pas juste moi! Non, mais c'est parce que je m'ennuie! C'est parce qu'on en a parlé. En plus, ça nous aide pas. C'était son ancienne émission, les précieuses ridicules. Avant qu'on se quitte, ben oui. Parle-nous rapidement de la recette de ton smoothie, de ton jus de légumes. Ah, OK. Mais en fait, ça, c'est un petit peu difficile parce qu'il nous faut vraiment un extracteur à jus. OK, mais quand même, il y en a qui ont ça. Oui, c'est ça. Alors, si vous avez un extracteur à jus, le jus que je me suis fait ce matin, qui est d'une belle couleur orange rouille, j'ai mis du céleri, des carottes, des épinards, un citron et des pommes vertes. C'est pourquoi j'y ai pas goûté. C'est ça. Mais ça goûte bon, ça goûte amer, je trouve. Ouais, ça goûte les vitamines. Oui, mais c'est pas mauvais du tout. Non, c'est vraiment bon. En fait, l'extracteur à jus, tout le monde devrait avoir ça chez eux. Ah ouais? Mais tu sais, tu mets ça dans une belle petite... Tu sais, ça donne des vitamines, ça donne du teint en plus. Ouais. Ça donne du teint. Puis je suis sûre que ça réveille beaucoup plus. Ça réveille, je peux le confirmer. Tu dois rester éveillé beaucoup plus longtemps que simplement avec un café, mettons. J'en doute, mais peut-être. Ah, ouais. Moi, il me faut du café. Oui, ah ouais, c'est vraiment café aussi, et du bon café en plus. Oui, le café de la Chasse-Galerie. C'est ça, exactement. Ah oui, puis juste vite là, faut que je m'en aille, mais le muffin aux figues et chocolat de la Chasse-Galerie, il est débile. Figues et chocolat. OK. Ouais, puis il bourre, tu sais, je m'en prends un le matin puis j'ai plus faim jusqu'à 2h. C'est vrai que les muffins de la Chasse-Galerie, ils sont ils bourrent, tu sais, vous avez OK, figues chocolat, mais ils partent vite, fait que dépêchez-vous. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite merci une belle journée. Plein de bonheur. Et vous pouvez venir voir La Dame au Camélia, dans laquelle je dis 10 répliques à la salle Annès à la Rousseau ce soir, demain et samedi. Rapidement, dis-moi tes répliques. Rapide. Donnez-moi à boire. OK. Deux. Une autre réplique. Comment mon petit Gustave, ou d'habitude si observateur? Trois. Juste une troisième, je vais arrêter après. C'est ça, je ris. Ah! Ça compte comme une réplique. Et voilà. T'es habitué en plus parce que tu l'as pratiqué chaque semaine aux précieuses ridicules dans le temps où tu faisais. Exactement. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cifou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Charlie Hebdo dévoile sa couverture après les attentats de Paris. Eh bien oui, un joli pied de nez aux terroristes qui ont visé des endroits festifs de la capitale. Quelques jours après les terribles attentats qui ont frappé Paris, Charlie Hebdo a dévoilé ce mardi la couverture de son prochain numéro disponible en kiosque dès demain. Réalisé par la dessinatrice Coco à la une du journal satirique, eh bien on montre un homme sur fond rouge dansant le corps troué de balles et une bouteille de champagne à la main. Il est écrit « Ils ont les armes, on les emmerde, nous, on a le champagne. » Et puis, il est tout percé, et puis, il coule de partout. Vraiment, on aime bien ce petit pied de nez. Hein? On aime que ça reste festif, et puis en même temps, très symbolique aussi. Il y a David Hasselhoff qui change de nom pour promouvoir ses prochains projets. Eh bien oui, désormais, ne l'appelez plus David Hasselhoff. Le célèbre interprète de Mitch dans la série Alerte à Malibu a décidé de changer son nom de famille et se fait désormais appeler David Hoff. Eh bien oui. Hein? Donc, ça fait des années que j'ai envie de laisser tomber le Hassel. Maintenant, j'ai officiellement fait, explique cet acteur de 63 ans dans la vidéo publiée sur son compte YouTube le 12 novembre dernier. Il brandit également son certificat de changement de nom. Grande nouvelle aujourd'hui et énorme soulagement pour moi. J'espère que tout le monde pourra comprendre. Ça fait du bien. Voilà, on est ravis pour lui. Sauf que tout ceci n'est apparemment qu'une vaste opération de com. Et certains fans apprécient déjà ce nom de famille identique à celui du personnage qu'il a incarné dans le film Kate Lemon. Il risque de très vite déchanter car le quotidien australien, le Sydney Morning Herald, a révélé que tout ceci n'est en réalité qu'un énorme coup de publicité. La star d'Alerte à Malibu, moi je te dirais de K2000, change son nom simplement pour promouvoir ses futurs projets. Actuellement, l'acteur joue son propre rôle dans la série Huff de Rick et travaille également sur un film intitulé « Killing Hasselhoff », littéralement en français « Tuer Hasselhoff ». Quant à cette vidéo, il s'agit d'un extrait d'une campagne publicitaire qui est lancée en Australie ce week-end. David s'amuse tout simplement et plus de détails seront révélés dans les prochaines 24 heures. C'est ce qu'a expliqué l'un des représentants. En juin dernier, David Hasselhoff avait déclaré au journal britannique The Guardian que The Huff rapporte plus d'argent que Hasselhoff et qu'il fallait donc se diriger vers cette voie. Encore une preuve que les célébrités sont par moments prêtes à tout pour rester sur le devant de la scène. Et puis là, on a un petit top de plusieurs photos de David Hasselhoff, 25 ans après Alerte à Malibu. Vous irez voir ça. Et on a aussi des personnages qui jouaient dans cette célèbre série. Un skieur de l'extrême canadien, Ian McIntosh, survit à une chute de 500 mètres en Alaska. 500 mètres, c'est un demi-kilomètre. Il est tombé, c'est un méchant temps. Donc, le skieur extrême canadien est sorti indemne d'une chute spectaculaire dans le massif de Nicola. Et l'incident qui s'est produit en avril dernier a été filmé par l'entremise de Teton Gravity Research, spécialisée dans les films de sport. Pourquoi la nouvelle sort aujourd'hui? Je ne sais pas. On se pose la question. Ici, tiens, ouais, on fait ça. Ouais, pourquoi pas? 20 façons. On va commencer, tiens. C'est 20, parce que je trouvais que c'était pas très pertinent, mais ça peut être intéressant aussi. Il y a des messieurs, il y a des mesdames qui nous écoutent, donc pourquoi pas faire plaisir à tout le monde. Ici, 20 façons d'embellir votre décor avec des pots Mason, ou comme moi je le dis bien, des pots maçons, même si ça serait des maisons, parce qu'il n'y a qu'un S, on comprend. Donc, les pots Mason sont parmi les items les plus utiles que vous puissiez avoir dans votre maison. Autrefois associés quasi exclusivement à la conservation des aliments, les pots maçons est utilisés aujourd'hui comme un objet de décoration, un objet hipster et un objet aussi pour vous servir des drinks et de la bière et des cafés et tout ce que vous voulez. Il est un peu partout. Hein? On le voit partout, autant dans les magasins, les cafés, les restaurants, horaires, autant que sur Pinterest. Dans la galerie que je vous offre, eh bien, je vous offre 20 idées originales, faciles à réaliser et peu dispendieuses pour embellir votre décor en y intégrant quelques-uns de ces célèbres pots maçons en verre. Vous pouvez, entre autres, créer un jardin d'herbes murales à partir de pots maçons. Donc, on y met de la terre et on fait pousser nos herbes tout simplement comme ça. On les a disposées sur une belle planche de grange de côté. Et donc, on se sert et c'est pratique d'avoir des herbes fraîches comme ça à portée de main. Un joli centre de table. Joli, bien ça, c'est un autre une question à discuter, là. Mais bon, se faire un joli centre de table, si vous voulez. Ça, c'est bien pour ranger les surplus de laine ou pour ranger tout surplus de couture. Hein. Ça prend un petit kit de couture dans chaque maison, là, pour vrai. Si vous voulez rapiécer quelque chose, arranger quelque chose à la dernière seconde, bien, mettez votre petit kit de couture dans un pot maçon. On peut créer aussi des excellentes chandelles avec ça. Ben oui, on peut faire, on peut orner les pots maçons d'animaux en plastique et dedans, on en met des biscuits, pourquoi pas, ou du popcorn ou autre pot de service. Mais il existe les petits couverts exprès avec des petits bonhommes en plastique ou sinon, ben on les colle tout simplement sur le pot, je pense que ça se ferait très bien. Sinon, pots maçons ou tableaux noirs, donc on les peinture avec cette célèbre peinture, hein, qu'on voit ça aussi dans tous les bars, dans tous les cafés, dans tous les endroits branchés, eh bien, on peinture sur le mur, hein, avec de la peinture noire pour pouvoir faire un tableau noir. Eh bien, on peinture nos pots et puis on met des crayons dedans ou autres fournitures scolaires. On peut y faire des lanternes pour votre patio. On peut y faire un distributeur de mouchoirs. Ça, c'est bien. On prend le pot maçon, on le fend dans le couvert et puis on remplit ça de mouchoirs et puis on tire dessus et puis ça fait vraiment un distributeur de mouchoirs. C'est joli, c'est parfait. Lumière décorative, ben, tantôt on était avec les chandelles, on n'est pas loin. Pour les amoureux de la mer, vous pouvez tresser votre pot maçon et ajouter des objets dedans, là, de décoration, genre des coquillages ou autres étoiles de mer et autres bébelles. On peut s'en servir pour garder les brosses à dents ou le maquillage. Hein? Bien sûr, c'est très, très joli. On peut décorer... On peut décorer les pots aussi pour en faire des pots tout simplement à fleurs, bien ordinaire. Belle façon aussi d'organiser la salle de bain. Hein. Tantôt, je vais en parler, on voyait les brosses à dents, le rasoir, etc., les boules de watt, tout ça. On met des petits pots accrochés au mur avec des... comment qu'on appelle ça? Le mot m'échappe, là. En tout cas, on accroche ça, c'est des trucs de quincaillerie, un genre de serre-joint, c'est ça? C'est pas un serre-joint? Mais en tout cas... on met ça pour les soutenir, c'est parfait. Vous irez voir sur la page Facebook du Dîner de con. Hein? On n'est pas dans une émission de déco, mais on donne des petites idées rapidement. On peut en faire une base de lampe. On peut faire un lustre très, très, très tendance. Vous avez vu ça partout. Hein? On voit des genres de grosses lampes ou des genres de lampes industrielles. On peut faire la même chose avec des pots maçons. On peut aussi faire un distributeur avec des distributeurs de savon à main ou distributeur de... truc pour désinfecter les mains. Ben oui, on peut y planter un truc poussoir sur le dessus parce que c'est très facile à percer, hein, le couvert de tout ça. Oui, ça, on peut mettre des petites plantes, etc. Pour faire des boules à neige, oui, avec les enfants, ça va être trippant. On peut la mettre à l'envers, on vire ça, on met un petit bonhomme de neige dedans et ben oui, ça fonctionne. Allez voir ça si ça vous intéresse. Ici, Veuve Clicquot. La Veuve Clicquot et le Québec, eh bien, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 160 ans. La Veuve Clicquot, c'est quoi? Oh, du champagne, bien sûr. Donc, pour célébrer les 160 ans du champagne Veuve Clicquot, une soirée commémorative a lieu au Château Frontenac à Québec, un lieu symbolique pour Veuve Clicquot. Les Québécois sont friands de champagne. Cela, on le savait déjà, mais ce qu'on apprend, c'est que Veuve Clicquot est leur marque préférée depuis plus de 160 ans. La France et le Québec entretiennent depuis longtemps des liens d'amitié, même après le passage de la colonie sous le régime anglais. Les gens ici continuèrent de vouer une passion à tout ce qui provenait de la France. Et puis après, on vient se plaindre parce que les gens, les imbéciles là, de vos amis là, sur Facebook qui disent « Mais il n'y a pas rien que la France qui a des problèmes en ce moment. » Hey, c'est la mère patrie, la France. C'est normal que ça nous touche. Même, c'est normal qu'au Québec, on soit plus touché que n'importe qui à travers le monde. C'est nos cousins, c'est nos frères, c'est nos origines qui étaient là, la France. Alors, il faut vraiment être un imbécile. Il faut vraiment être très, très peu cultivé. Et pourtant, ces personnes-là, quand ils écrivent ça sur votre page Facebook ou sur vos commentaires, Eux autres, ils se croient ou elles se croient des citoyens du monde très ouverts sur le monde. Ben là, il y a d'autres conflits dans le monde. Ben oui, il y a des conflits dans des endroits où tu connais à peu près même pas le nom, que tu n'as jamais entendu parler. Puis il faudrait que tu pleures puis que tu capotes autant que quand c'est à Paris où tout le monde est déjà allé ou sinon tout le monde a déjà vu Paris, tout le monde connaît Paris au Québec. Faut vraiment être imbécile pour avoir un discours pareil puis blaster ses amis parce que les gens ont de la sympathie envers une action qui est arrivée. Et puis une action n'empêche pas l'autre. Hein. C'est pas parce que vous soutenez la France, vous soutenez Paris, que vous trouvez que tous les génocides qu'il y a en Afrique ou partout dans le monde, ben vous vous en foutez. C'est pas ça, c'est qu'on les connaît pas, c'est moins près de nous. Et puis c'est normal que les choses qui nous touchent, qui sont près de nous, nous touchent plus. Si c'est pareil comme si je vous dis « ma mère est morte du cancer », ben vous me connaissez pas, ça vous fait pas tant de peine, mais si je vous dis que... Si vous apprenez que votre mère est morte, va mourir du cancer, bien, ça va vous toucher plus. C'est juste la logique même. Alors, c'est ça. Hein? Juste ça, je vous dis. On continue dans le Veuve Clicquot, mais c'est parce que ça fait quelque temps là, qu'on voit ça passer. Il y a tellement de niaiseries qui se disent sur Facebook. Les gens sont fâchés après d'autres, les gens qui supportent la France. Comment être fâché après ceux qui supportent la France? Il faut vraiment être calme, en tout cas. Donc, même après le passage de la colonie sous le régime français, vers le milieu du 19e siècle, la reprise des relations diplomatiques entre la France et la Grande-Bretagne permettent à nouveau aux commerçants de l'ancien régime d'exporter leurs produits vers le Canada. Parmi ces produits, les premières cargaisons importantes de champagne arrivent par bateau sous la marque Veuve Clicquot, et c'est à Montréal et Québec qu'elles sont livrées d'abord. Barbe Ponsardin devient veuve à 27 ans. OK. Et son mari, François Clicquot, ex-propriétaire de vignes et négociant de vin. N'ayant pas froid aux yeux à une époque où les femmes ne se mêlaient pas de commerce, la veuve Clicquot reprend les rênes de l'entreprise familiale. Donc, c'est vraiment une veuve. C'était la veuve Clicquot qui s'est occupée de ça, hein, c'est Barbe Ponsardin. Après avoir consolidé son marché en Europe, elle décide de s'attaquer au marché nord-américain. Elle conclut une entente avec la compagnie de Montréal, Ryan Brothers & Co., pour expédier ses premières caisses de champagne vers le Canada. Le 24 février 1855, la veuve Clicquot écrit à Ed Ryan, un des associés, « Dans l'espérance de voir des relations suivies s'établir entre nous, je suis toute disposée à expédier à titre d'essai, les vins que vous me demandez pour vos maisons de Québec et de Montréal. » Dans les mois qui suivent, 25 caisses de Veuve Clicquot sont envoyées à Québec et autant à Montréal. L'élite québécoise s'entiche vite de ses élégantes bulles et la veuve s'empresse d'expédier d'autres caisses pour fournir à la demande. C'est au tour du marché canadien d'être ensuite conquis. À Vancouver d'abord, où les premières caisses débarquent quand même assez plus tard, 10 ans plus tard, en 1864, puis les provinces de l'Est et du centre du Canada en 1885. En 1939, lors de la première visite officielle du roi George VI et de son épouse, la reine Élisabeth, à Québec, du champagne Veuve Clicquot leur est servi au château Frontenac, d'où le choix de ce lieu historique pour y célébrer le 160e de la marque au Canada. Le champagne à l'étiquette jaune est aujourd'hui sans contredit le plus vendu au Québec et même au Canada. Stéphane de Merville, directeur général pour le Canada du groupe Moët à Annecy, confirme 1,5 million de bouteilles par an et c'est un marché en constante croissance. Surtout au Québec, on sent qu'il y a ici un réel attachement à la marque Veuve Clicquot. Si la veuve avait le sens du marketing, on peut en dire autant des gens qui sont derrière la marque aujourd'hui. Non satisfaits d'être leaders dans leur catégorie avec la carte jaune, ils ont lancé cet été un nouveau produit révolutionnaire pour le domaine du champagne destiné à la mixologie. Avec Rich, on explore d'autres territoires. Le monde des cocktails est en train d'exploser et si on veut suivre la tendance et de se rapprocher des jeunes, eh bien, il faut innover avec des produits destinés à leur marché. C'est ce que déclare Dominique Desmarville, chef de cave chez Veuve Clicquot. Donc, Rich, si on veut, ça va être un champagne un peu, peut-être un peu moins cher, peut-être un peu moins de grande qualité, mais utilisé en mixologie pour faire des drinks. Sérieux. Méchante bonne idée. Une histoire d'amour qui grandit avec l'offre de nouveaux produits, selon M. de Merville. Les gens d'ici ont le sens de la fête, en plus d'avoir du bon goût. C'est donc normal que nos champagnes leur plaisent, même après 160 ans. Voyez, hein, le beau lien qu'on a avec la France. C'est génial. Et comme Charlie Hebdo l'a dit, eux, ils ont les armes. Nous, on a le champagne et la musique et le bonheur et la vie et l'amour. Hein? Parce que les gens qui sont mongols avec leurs armes... Je pense qu'ils sont assez malheureux, hein? Et puis, tiens, on va se faire ça, une dernière nouvelle avant d'aller vers la pause publicitaire. Et je vous parlais de malheur. Je vous envoie ici, messieurs, 6 signes que votre femme est malheureuse dans votre couple. Premièrement, elle fait des commentaires subtils sur le fait que vous ne portez pas autant de poids sur elle. Vous ne portez pas autant de poids qu'elle sur vos épaules. Hein? Vous travaillez tous les deux et tentez de partager la responsabilité et les corvées ménagères. Votre femme a pourtant toujours l'impression d'en porter plus sur ses épaules en ce qui a trait au bien-être des enfants, par exemple, ou à l'entretien de la maison. C'est quelque chose dont beaucoup de femmes mariées avec des enfants se plaignent, ajoute-t-il. Le père a l'impression que les corvées sont partagées également, mais les femmes lisent en général beaucoup d'articles sur le développement de l'enfant, leur état d'âme et en ce qui leur donne l'impression que la bonne éducation des enfants repose sur elles. Pour montrer à votre femme votre support, écoutez-la attentivement lorsqu'elle vous parle d'une récente étude qu'elle a lue ou qu'elle vous dit qu'elle aimerait faire des boîtes à lunch plus santé pour les enfants. En ce moment, gageons que votre femme a l'impression que si elle ne se soucie pas de ces choses-là, personne ne le fera. Effectivement, mais ça ne veut pas dire que, tu sais, un peu de réalité dans la chose. En tout cas, elle roule des yeux quand vous faites une blague. Ça, c'est, moi, sérieux, c'est le signe le pire. Quand elle te trouve plate, je pense que le couple est fini, sérieux. Pas quand elle trouve une joke plate, mais si à chaque fois tu ouvres la bouche, on n'en revient pas. En tout cas, vous pensez peut-être que faire des blagues détendra l'atmosphère lorsqu'elle vous parle de quelque chose de sérieux à ses yeux, mais si elle lève les yeux au ciel ou qu'elle rit très fort de façon sarcastique, c'est signe que peut-être vous devriez arrêter ou que votre couple est fini, sérieux. Les femmes n'aiment pas un climat constant de comédie et de blagues, surtout si elles tentent de vous dire quelque chose de sérieux ou de partager de ses états d'âme. C'est ce qu'explique la psychologue Samantha Rodman. Lorsque vous n'arrêtez pas de faire des blagues au lieu de l'écouter, votre femme sent que vous manquez de considération pour elle. Et peut-être que le regard d'elle sur vous aussi a beaucoup changé. Hein? Si elle n'est pas satisfaite sexuellement, ça se peut qu'elle soit malheureuse. Hein? Vous êtes peut-être tous les deux satisfaits de la fréquence de vos rapports sexuels, mais il y a peut-être un petit quelque chose qui manque à votre vie sexuelle. Plusieurs de ses clientes, ce que raconte le psychothérapeute Ken Page, eh bien, racontent que même si leur mari essaie de satisfaire leurs besoins au lit, il y a un petit quelque chose qu'elle n'arrive pas à avoir. En général, c'est associé aux préliminaires. Les hommes aiment passer à l'action rapidement, alors que pour beaucoup de femmes, les préliminaires sont ce qu'elles préfèrent. Les femmes ont besoin de cette introduction au sexe pour s'abandonner complètement et apprécier la relation sexuelle à son maximum. Si elle vous demande constamment si vous l'écoutez, il n'y a rien de mieux que d'avoir une bonne et douce moitié à qui parler à la fin d'une longue et dure journée de travail. Si vous semblez plus intéressé par votre téléphone intelligent, par la télévision ou autre que par elle, vous risquez de compromettre votre connexion avec elle. L'écoute est la base de l'intimité dans le couple. Non, ça, c'est pas très, très hot, là. Si vous vous moquez d'elle en public, hein, vous pensez pourtant la taquiner en vous moquant de la façon dont elle prononce tel ou tel mot ou de sa telle ou telle manie, hein, lors de vos soupers entre amis, il y a de fortes chances qu'elle trouve cela moins drôle que vous. Ne faites jamais de blagues ou de remarques sarcastiques en public, à moins d'être bien, bien certain que votre femme aime les taquineries que vous faites. Sinon, elle pourrait être très amère et vous en vouloir sans ne rien vous dire devant vos amis ou membres de votre famille, et ça pourrait durer très longtemps et ça pourrait revenir d'en face lors d'une chicane quelconque. Hein? Parce que les femmes ont une mémoire qui n'oublie pas, mais ça dépend pourquoi. Pour ce que vous aurez dit ou ce que vous aurez fait de méchant. Si c'est quelque chose de gentil, ça se peut que la mémoire de la femme oublie. Mais si c'est quelque chose de méchant, je vous le dis, elle n'oubliera jamais. Dernier truc ici, elle n'initie jamais les contacts sexuels. Vous saviez que la phase de la lune de miel n'allait pas durer toujours, mais il reste qu'une vie sexuelle active est essentielle pour un mariage réussi. Si votre femme semble complètement désintéressée par une partie de jambe en l'air avec vous, essayez de comprendre pourquoi. La majorité des femmes, même si leur libido connaît une période creuse, tenteront d'initier le rapprochement lorsqu'elles se sentent près de vous émotionnellement. Si elle garde ses distances, il est fort probable que certains sentiments négatifs envers vous l'empêchent d'initier les relations sexuelles. Eh ben oui, c'était ces 6 signes qui démontrent que votre femme, eh bien, est malheureuse, messieurs. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis, de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons, de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cestfou.ca.